cœur y sert. Comme il dit, t'en manger foutre moi à plat. Gina mon gâté, tu connais mien ma tué. M'a fait mon possible, m'a fait un sacrifice. Et en attendant, ma rode un travail calé. Gina mon petit femme, t'en mourir, tu peux jeter. T'as fait cuire un bon petit plat gaillard, un bon curry cabri ma salé. Avant un rhum arrangé pour ouvrir mon estomac. Comme ça m'a répondu un peu courage. Et après mi-temps m'a pris malade. Et quand nous n'aurons le temps, n'a fait jolis enfants. Tu dis, moi t'en fais rêve à toi. Moi n'aime te les, moi n'aime ta grevée. Si ton argent t'es mettre pas dans le rhum, nous n'aurions mangé, donnerait un bon gain puant par à où. Oui, m'y veut manger de riz blanc avec bret chouchou. Gina mon gâté, la morue au moins lassée. Gina mon gâté, la salive ou salilée. Et c'est le moment de se réveiller, Isa. Eh ben oui, doucement, mais sûrement. Bonjour, Miguel. Bonjour, Agnon. Bonjour, ça Florent. Ça va bien? Bonjour. Bon, eh ben c'est l'heure, hein. Ça y est, c'est parti. 5h sur la première. Le journal de la rédaction présenté par Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Il vient d'être mis en examen pour meurtre. Gilles Alez a tué samedi Idriss Rozenac. Il l'a poussé du haut de la rivière des Remparts à Saint-Joseph. Le meurtrier a reconnu les faits. Les deux hommes étaient alcoolisés. Que mangent nos enfants à l'école? Pain bouchon, salade? On s'est posé la question hier à l'occasion de la rentrée générale. Rentrée universitaire également, elle a démarré hier à Saint-Denis et au Tampon. Transformer le parc national en parc régional, le projet est toujours d'actualité. Didier Robert annonce même une décision avant la fin de l'année. Nous entendrons le président de région dans ce journal. Et puis une médaille d'argent et deux places d'honneur, c'est le bilan des Réunionnais aux Jeux Olympiques de Rio. On en reparle à la fin de cette édition. Il a reconnu les faits. Gilles Alez affirme avoir tué Idriss Rozenac samedi à Saint-Joseph. Le Saint-Paulois a profité que sa victime avait le dos tourné pour la pousser du haut de la rivière des Remparts, une chute de 15 mètres. Mais si l'homme de 42 ans a avoué, il n'a pas expliqué son geste. On sait seulement que les deux hommes étaient alcoolisés. Les précisions du procureur de Saint-Pierre, Laurent Zukovic. Il a commencé par nier son geste en indiquant qu'il avait été agressé. Et ensuite, face à tous les témoignages concordants, il a reconnu qu'il avait poussé dans le dos cette victime. Effectivement, ce qui semble peut-être une première explication, c'est la contrariété d'une première altercation. Cela étant, le geste est tellement disproportionné qu'effectivement, on a du mal à comprendre la réalité de ce mobile. Il avait 20 condamnations à son casier judiciaire, essentiellement pour des délits routiers, mais également pour des violences, vol avec violence. Voilà, donc quelqu'un qui n'avait pour autant pas fait parler de lui depuis 2013, mais qui est très très connu, oui. Laurent Zukovic, procureur de Saint-Pierre, au micro Réunion Première de Sophie Persson. Gilles Alez a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Il conduisait son bus, une bière à la main et avec plus d'1,5 g d'alcool par litre de sang. Un chauffeur du réseau Citalis est jugé cet après-midi. Il avait été dénoncé par ses passagers, ceux de la ligne 21 vers la montagne. C'était le mois dernier. L'homme de 35 ans a été mis à pied et placé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue. Hier, la rentrée générale pour les 224 000 élèves de Lille. Le jour des premières, premier vrai cours avec les professeurs, premier devoir, premier repas également avec les copains. La plupart des élèves mangent sur place le midi. Alors justement, quel est le menu de nos marmailles à l'école? Reste-t-il à la cantine ou vont-ils au snack bar manger un pain bouchon gratiné? Une habitude a changé tout de même, selon Caroline Dijoux, diététicienne à Saint-Denis. Question d'éducation, si les parents motivaient plus les enfants à aller à la cantine, puisque là on retrouve quand même un repas qui est équilibré, vous êtes sûr que sur le long terme il y aura moins de risques d'obésité ou de surpoids. Mais c'est aussi des enfants qui mangent à l'extérieur parce que c'est aussi un phénomène. Parce que moi, des enfants que je suis mangent à l'extérieur parce que tous les copains mangent dehors. Et donc on n'en finit pas, et tant qu'il n'y en a pas un qui estime que la cantine c'est bon, personne n'ira manger à la cantine. Peu importe l'âge, hein. De toute façon, quand on est à l'école, on suit toujours les camarades qui ont plus d'influence. S'ils mangent dehors, c'est bien de manger dehors. Caroline Dijoux, diététicienne à Saint-Denis, interrogée par Rémi Faconnier. La rentrée, toujours avec les derniers achats, ceux que l'on fait après la rentrée, justement. Et c'est la même chose chaque année, ce week-end. C'était d'ailleurs le rush dans les grandes surfaces et les librairies. Illustration dans une grande surface de Saint-Pierre, où est allé Pierre Comorassamy. Sa petite liste entre les mains, Audrey semble un peu perdue au milieu des rayons remplis d'ouvrages scolaires. J'ai acheté les livres pour ma petite fille, regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a de bon. Mais là, il manque les livres. J'ai pas besoin de la librairie, il n'y avait pas, je regarde ici. Mais très vite, Elodie, conseillère vendeuse, vient à son secours. On essaie d'être là pour le client, pour les conseiller, pour les orienter, pour qu'ils gagnent du temps. Les bras chargés de livres, Jean-François s'apprête à passer à la caisse. Justement, c'est l'accueil et la disponibilité du personnel de cette librairie papeterie qu'il apprécie. C'est effectivement une librairie extrêmement intéressante. Ils sont à disposition du client. On cherche des affaires en rayon. Il y a tout de suite quelqu'un qui vient vous aider, qui vous aiguille et qui vous montre exactement où se trouvent les éléments que vous cherchez. Jean-François est venu récupérer des livres pour sa fille qui passe en classe prépa. Et comme lui, Anne-Sophie, future étudiante en anglais, anticipe. J'ai déjà quelques idées, donc je prends ce que j'ai besoin. Et si jamais j'ai besoin de quelque chose en plus, je reviendrai. Mais je prends le strict nécessaire pour l'instant. Mercredi et samedi dernier, le personnel de la librairie s'est plié en quatre pour satisfaire les clients. Un personnel qui s'attend à quelques samedis de grand rush encore, puisque dès la semaine prochaine, ce sera au tour des étudiants de défiler avec leur liste d'effets et d'ouvrages à acheter. Eh oui, la rentrée universitaire, elle a démarré hier dans le Nord et le Sud et elle s'étalera sur 2 semaines selon les filières. Cette année, près de 10 000 étudiants se sont inscrits à la fac, dont 3 564 néo-bacheliers. 5h05 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Se dirige-t-on vers la transformation du parc national en parc régional? Le projet est toujours d'actualité. Didier Robert annonce même une décision avant la fin de l'année. Montré du doigt par le président de région lors de la dernière campagne électorale, le parc national va faire l'objet d'une étude payée par la région. Pourquoi ? La réponse de Didier Robert. Je dis tout simplement aujourd'hui qu'il faut savoir mesure garder. Qu'il ne s'agit pas pour nous à la région Réunion de remettre en question des années de travail. Qu'il ne s'agit pas pour nous à la région Réunion de remettre en question l'évidence de la protection de la nature. Mais qu'il y a encore une fois la nécessité de trouver un point d'équilibre entre préservation et développement. Et donc l'objectif de cette étude que nous menons aujourd'hui va nous permettre, en toute sérénité, je l'espère, de pouvoir justement prendre ces décisions donc avant la fin de cette année et de voir dans quel sens est-ce que nous nous orientons. Ça veut dire que le choix, il est entre garder le parc national ou s'en séparer et créer un parc régional. Est-ce que c'est ça l'alternative ? Bien sûr que c'est l'alternative. Bien sûr que c'est l'orientation dans laquelle nous nous posons et nous nous situons aujourd'hui. Didier Robert, président de région, interrogé hier soir par Gaël Le Dantec dans Devant la Réunion. Didier Robert qui par ailleurs ne consultera pas les Réunionnais sur les carrières dédiées à la nouvelle route du littoral. Une enquête publique est attendue pour celle de Bois-Blanc à Saint-Leu. Une autre vient de démarrer dans les Hauts de Saint-André. Didier Robert qui a également confirmé qu'il ne se représenterait pas aux élections sénatoriales. Les députés de leur côté interdisent l'utilisation des pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes. Le texte pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été adopté en juin dernier et l'interdiction prendra effet le 1er septembre 2018. La Réunion n'est pas vraiment concernée puisque le produit nocif est rarement utilisé, mais cela ne veut pas dire que la filière apicole se porte bien dans l'île. Priscilla Etève s'est rendue sur l'exploitation des fontaines au tampon. Autour et dans les ruches des fontaines, les abeilles dansent et butinent toute la journée, mais malgré leurs efforts, il est de plus en plus difficile de produire. Aujourd'hui, avec 800 ruches, Étienne Fontaine et son père font autant qu'il y a quelques années avec 300, soit entre 10 et 15 tonnes de miel par an. Cette diminution des ressources est due à plusieurs facteurs. L'urbanisation, l'épisode chikungunya, au niveau de la démoustication, qui a fait que les populations d'abeilles ont diminué aussi fortement. Sinon, cyclone aussi, suivant les années, production y en pâtit aussi. Mais ce qui rassure cet apiculteur de Bras Creux, c'est le bon état sanitaire des abeilles réunionnaises. L'impact niveau pesticides et phytosanitaires sur les abeilles ici à La Réunion, on va dire, est un peu moindre qu'en métropole. Parce qu'ici à La Réunion, on n'a pas beaucoup de grandes cultures, de monocultures que les abeilles butinent. Mais elle n'est pas à l'abri d'un couac. Hein. Notamment des néonicotinoïdes, ces molécules très nocives pour les insectes pollinisateurs. Quand l'abeille va butiner une plante qui a cette molécule-là à l'intérieur, la butineuse va être désorientée. C'est-à-dire qu'elle ne va plus retrouver sa ruche. La ruche est plus approvisionnée en ressources. Et la ruche, après, elle crève. Et avec la disparition des abeilles, pilier de la biodiversité, selon Étienne Fontaine, notre assiette diminuerait aussi d'un tiers, car ces mouches à miel pollinisent plus d'un tiers de notre alimentation. Et allez, on passe au sport avec un premier bilan des Jeux Olympiques de Rio. La France termine la compétition avec 42 médailles, dont 10 en or. Et les Réunionnais ont brillé. Daniel Narcisse décroche l'argent en handball. Marine Boyer termine quatrième à la poutre. Cinquième place pour Noé Delpech en voile. On en reparlera à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Monique Catala, la présidente du CROSS. Ce sera donc tout à l'heure à 7h15. C'est la fin de ce journal. Place tout de suite à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info ce matin, Martin Bartoletti. La lutte semble bien partie pour durer. Environ 500 agriculteurs de l'Ouest étaient rassemblés vers minuit devant le siège de Lactalis à Laval, en Mayenne. Ils entendent bloquer le site du leader mondial des produits laitiers. Aucun camion ne quittera l'usine, ont-ils annoncé. Et ce, tant que les éleveurs n'auront pas été entendus par le groupe. Les producteurs qui dénoncent toujours un prix d'achat trop bas de leur litre de lait, entre 25 et 27 centimes d'euros, alors qu'ils en réclament 40. Tout est organisé pour que le rassemblement puisse se poursuivre les jours prochains. La relève devrait être assuré ce mardi par les agriculteurs bretons, puis par ceux de Normandie et des Pays de la Loire. Nicolas Sarkozy s'est lancé ce lundi dans la course à la présidentielle de 2017, annonce faite par un tweet de l'ancien chef d'État, appuyé par un livre à paraître mercredi. Son titre, Tout pour la France, à l'allure d'un programme de campagne. Il évoque la fin des 35 heures, la retraite à 63 ans pour 2020 ou encore la suppression de l'impôt sur la fortune. Il est donc le 13e candidat déclaré à la primaire de droite et du centre prévu pour le mois de novembre prochain. De son côté, François Hollande n'a pas commenté la candidature de Nicolas Sarkozy depuis l'île italienne de Ventotene au large de Naples. Le chef de l'État a participé ce lundi à une réunion avec ses homologues allemands et italiens. L'objectif était de préparer le sommet extraordinaire de l'Union européenne prévu le 16 septembre prochain sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. L'Europe n'est pas finie depuis le Brexit, a assuré Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien. 60 000 emplois créés d'ici la fin de l'année en France, et ce grâce à la prime à l'embauche. Chiffre publié ce lundi par une étude de la Direction Générale du Trésor. La mesure figurait parmi le plan pour l'emploi présenté par François Hollande à la mi-janvier. Le dispositif permet aux PME ayant embauché un jeune ou un demandeur d'emploi de toucher une aide de 2 000 euros par an pendant 2 ans. Le sud-ouest menacé toujours par d'éventuels incendies. La sécheresse et les fortes chaleurs attendues dans les prochains jours ont poussé la préfecture de Gironde à prendre des mesures. Elle a placé le département en vigilance orange au risque de feux de forêt. Les activités dans les bois sont interdites entre 14h et 22h. La note chez le primeur ou au marché vous a peut-être semblé salée cet été. C'est normal, les prix des fruits et légumes ont battu des records. Plus 36% pour la fraise, plus 37% pour les pommes de terre ou encore plus 18% pour les melons par rapport à l'an dernier. C'est le résultat du baromètre annuel de familles rurales à lire ce mardi dans les colonnes du quotidien La Croix. De fortes augmentations dues en partie aux mauvaises conditions météorologiques. Retour triomphal pour la délégation tricolore. Les bagages un peu plus lourds de 42 médailles olympiques. Les Bleus rentrent ce mardi de Rio. Teddy Riner, le judoka, ou encore le couple de boxeurs en or, Estelle Mosselli et Tony Yoka, seront reçus à l'Elysée en fin de journée. 5h12 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Ah, Mickaël, ce matin, côté ciel, Bon, c'est pas encore, hein, soleil pas encore levé, mais en tout cas il fait frais, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est un peu la même chose qu'hier, ça on peut le dire. Un peu la même chose qu'hier, ça on peut le dire. Globalement, l'impression de beau temps va dominer avec un vent qui va souffler de secteur est sur le long du sud sauvage et entre Chamborné et Saint-Denis, entre 40 et 50 km/h. Après les températures de la nuit plutôt fraîches, les températures sont conformes aux normales de saison cet après-midi, entre 23 et 26 degrés sur la côte, 21 à Sillaos et 12 au Bindou. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Bon réveil à tous. Hello, la hello. Réunion. Salut, salut. Et quand je me lève le matin et que je vois que mon voisin a déjà allumé la télé à 4h, à peu près un petit peu avant 4h, je me dis que nous ne sommes pas les seuls à nous réveiller. Et je me dis que vous êtes nombreux à nous accompagner. Tes voisins, ils veillent à nous. Oula, pas la honte, veille ou bonne voisin, non? C'est quand je descends, je suis obligé de voir la lumière chez lui. N'importe quoi. On n'est pas un voyeur, j'ai juste vu, juste regardé, juste jeté un petit coup d'œil. Salut mon voisin, salut toute la réunion aussi qui nous Monsieur écoute le matin. Monsieur Mickaël Laurette te veille. Pas du tout, je suis pas comme ça quand même. Après ça dépend, si c'était... un voisin de sexe féminin, oui, je ne dirais peut-être pas le contraire. Oui, ah, c'est comme la chanson de Ronan Luce. C'est ça, les voisins, les voisines. Les voisins, les voisines. En effet. Bon, bah, ce matin, on se lève avec vous encore à nouveau. On attend vos photos de petit déjeuner. Exactement. Oui. Sachant que nous, on va en poster une de très spéciale. Faut peut-être arrêter de mettre du miel dans non, le. Non, mais j'essaye de mettre du miel dans mon thé parce que boire de l'eau chaude avec un petit peu de miel, c'est bon pour la santé. Parfait. Sauf que mon miel, c'est pas les congeler, je sais pas quoi, la fille. Écoute, Dans les hauts, là-haut, de l'Est, là. Ça sort. Forcément, il fait froid. Hein. Ah, bah, chacun ses soucis, hein, 5h14. Hein. Prisca, c'est quoi votre souci, vous? Coucou, ma chérie. Ah bah, salut, bonjour. Prisca. Ah, moi, j'ai pas de soucis. Ah, moi, c'est bien. J'ai fait chauffer de l'eau, j'ai rajouté une tranche de citron. Ah, bah, voilà. Après mon petit-déj le matin. Ah, c'est bien, ça. Bon. Cuillère de miel. C'est ce que je fais. Pour cette journée, parce qu'elle va être encore riche en émotions et en frissons. Oh. Nous serons sur le marché forain de Beauséjour hein, tout à l'heure. Frissonnons. Je suis dans la voiture avec le kit main libre. Et non, Mickaël, vous n'êtes pas le seul à vous réveiller à 4h du matin, parce qu'il y a beaucoup de monde déjà sur les routes de La Réunion que je salue. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un petit déjeuner vitaminé. Voilà, sur le marché avant 6h, de Beauséjour, 5h45, si vous allez Prisca. Faire un petit tour du côté de Sainte-Marie, eh bien vous y verrez, vous y trouverez Prisca, tout simplement. À tout à l'heure, les amis. Allez. Et d'ici là, nous, on va retrouver Juliette. Ah. Mais avant cela, on vous dit les photos de petit déjeuner à envoyer sur la page Grand Matin. Exact. Ouais, bah oui. À la clé, vos invitations pour aller au cinéma et participation pour le tirage au sort de vendredi. Un petit déjeuner, une photo, tout ça sur la page Facebook de Grand Matin. Et vous êtes sélectionné. Un petit déjeuner en photo, égale peut-être un petit déjeuner à l'hôtel. Oh, c'est chouette. Pour le week-end, si c'est pas magnifique tout ça. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour tout le monde, nous sommes le 23 août. C'est la Sainte-Rose aujourd'hui. Si vous avez envie de savoir ce qui va se passer pour vous aujourd'hui, surtout ne bougez pas d'un pouce. Voici tout de suite les prévisions astrales de la première. Bélier, n'usez pas de vos forces. Et pour une fois, laissez venir les choses à vous. Taureau, excellente entente avec les Sagittaires côté professionnel. Gémeaux, vous pouvez aller plus loin si vous le voulez. Encore faut-il que vous le vouliez. Cancer, vous n'osez pas dire les choses et pourtant, vous êtes dans un milieu favorable pour le faire. Lion, vous avez enfin compris qu'il est inutile d'essayer de faire tout en même temps. Vierge, on vous incite à tout vouloir garder, sans rien déléguer ni partager. Balance, prendre parti dans le conflit qui règne autour de vous ne serait vraiment pas une bonne idée. Scorpion, une personne assez éloignée vous demande de garder le contact, ce que vous n'avez pas envie de faire. Sagittaire, d'accord, vous n'êtes pas avantagé, mais bon, votre handicap sur cette affaire n'est pas non plus insurmontable. Capricorne, prenez votre temps, une chose à la fois. Verseau, vous avez vraiment besoin de vous changer les idées. Poisson, enfin, vous êtes ouvert et disposé à la chance qui se présente à vous. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, le mot d'ordre aujourd'hui, donc merci, ouvrez-vous. Juliette. Ouvrez-vous, les amis. Au c'est monde. Important, open your mind. Bon, déjà, commence par ouvre la fenêtre, hein, puisque si vous êtes réveillé, et surtout, noir. Marche pas sur mon pied. C'est important, ça. Ah, oui. C'est un bon conseil, et Bastère l'a même donné en chanson. Masse pas si mon pied. Bon réveil, bonne rentrée. Masse pas si mon pied, wayo, volcan va péter, oui. Masse pas si mon pied, wayo. Même pas mille, qu'est pas moins que ça me fait. Mets pas de feu pour chauffer, lève pas la main pour taper, donne pas causement pour fâcher. Mets pas de l'huile dessus de feu, roule pas moins où ça mille, qu'est pas moins que ça me fait. Mets pas de feu pour chauffer, lève pas la main pour taper, donne pas causement pour fâcher. Pas si mon piwayo, volcan va péter, oui. Passe pas si mon piwaya, sa bouffe va causer. Passe pas si mon piwayo, volcan va péter, oui. Passe pas si mon piwaya, sa bouffe va causer. Jette pas le sang sur mon tête, si n'a pas souqué, bien souqué. Donne pas coup de main, camarade, laisse à moi avec mon salade, caloupe, il est m'accrasé. Regarde pas moi comme des bêtes, jette pas le sang sur mon tête, si n'a pas souqué, bien souqué. Donne pas coup de main, camarade, laisse à moi avec mon salade, caloupe, il est m'accrasé. Passe pas si mon pied waya, tempête va lever. Souké, souké, râle s'il faut râler. Souké, souké, souké, souké, râle s'il faut râler. Souké, souké. Du lit ou peut-être déjà sur la route, Bastère avec Mars pas si mon pied sur Première dans Grand Matin. Et comme tous les jours, bien on va regarder ce qui s'est passé hier, notamment sur les hippodromes, celui de Clairefontaine. Elle tire ses cartes et plus avec l'arrivée, Isa. Exactement, hier il fallait jouer le 13, le 7, le 3, le 12 et le 9. 13, 7, 3, 12 et 9 pour le quintet qui s'accourait donc à Clairefontaine cet après-midi. Il va se courir sur l'hippodrome de Deauville. Ce sera le prix du pont de l'Évêque. 16 partants, 1900 mètres à parcourir. Un départ prévu à 15h47 et 4 050 000 euros dans la tirelire. Voici les pronostics de Pascal Maillot qui vous conseille le 9, le 3, le 5, le 16, le 4, le 2, le 12 et le 14. 9, 3, 5, 16, 4, 2, 12, 14 et en cas de non partant, le 13. Voici également les pronostics du Fouineur du GIR partenaire Réunion Première qui vous conseille le 7, le 3, le 9, le 5, le 2, le 16, le 14 et le 12. Donc votre quintet cet après-midi à Deauville, prix du pont de l'Évêque. Départ prévu à 15h47. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Il est en tournée dans toute la France actuellement. Il est revenu avec un nouvel album en février dernier, Un billet de femme. On écoute l'extrait de cet album. Je ne sais plus, je ne veux plus. Pascal Obispo, sur Première. Je ne sais plus d'où naissait ma colère. Il a peint et ses torsons disparus. Ses yeux priaient, sa bouche voulait plaire. Timide colère. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne veux plus regarder ce que j'aime. Dès qu'il sourit, tous mes pleurs sont perdus. En vain, par force ou par douceur suprême, l'amour et lui veulent encore que j'aime. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne sais plus le fuir en son absence. Tous mes serments alors sont superflus. J'ai bravé sa présence, mais sans mourir, supporter son absence. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et chaque matin, vous réveillez avec nous, notamment sur le 06 92 70 2000, avec le message de Fabrice qui nous fait un petit coucou et qui coucou Fabrice, est actuellement dans son camion. Salut tous les routiers. Eh oui, on embrasse tout le monde, tous ceux qui font déjà la route. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas. 99 2000 et ou le SMS. Retenez bien ce nouveau numéro depuis lundi dernier, le 06 92 70 2000. À l'écoute de Pascal Obispo. Mmh. Je ne sais plus, je ne veux plus. Alors Isa, oui, il y a un petit animal. Oui. Qui fait fureur en ce moment sur la toile. Ah, ça c'est sûr qu'il fait fureur, oui. Sa vidéo a été vue 2 millions de fois, même plus de 2 millions de fois. Exactement, plus de 2 millions de fois. Pieuvre violette. Oui, c'est une jolie petite chouchou. Qu'est-ce qu'elle a cette pieuvre pour elle être autant regardée. Ah oui, elle vous aimez est belle tout ça, comme un petit cœur. Une petite pieuvre de couleur violette avec des grands yeux comme ça. Que des chercheurs, des scientifiques sont allés dénicher au large de la Californie aux États-Unis. Bon, ils sont allés la chercher à 900 mètres de profondeur pour trouver cette petite beauté. En même temps, une pieuvre violette. Voilà. Alors, les scientifiques, quand ils l'ont vue, ils étaient morts de rire. Il est bizarre. Sauf que, il y a quelqu'un, évidemment, qui a filmé la petite pieuvre, et on a mis ça sur Internet. Et là, tu te dis, bon, bah, et alors? Et alors? Et ben, ça fait près de 3 millions de vues sur Internet. Avant qu'on en fasse du chewing-gum. Arrête. Les internautes sont complètement, fous d'amour pour cette petite pieuvre. Ils ont craqué. Alors, du coup, je me suis dit, c'est bizarre, ce petit animal. Mais au moins, lui, il est mignon. Parce que dans la nature... Oui, il n'y a pas des animaux très mignons. Il y en a, ils sont tout bizarres aussi, d'accord. Bon, il y en a, ils sont mignons quand même. Ouais, ouais. Par exemple, j'ai trouvé un petit crabe. Ça s'appelle en fait un poisson chauve-souris. Ouais. Il ressemble un peu à un crabe. Vous pouvez aller regarder la photo sur Internet. Et il a deux lèvres rouges. Extraordinaire. Ben, pulpeuse. Voilà, c'est-à-dire, imaginez un crabe avec deux gros lèvres rouges. Ouais. D'accord. Et bien, c'est le poisson chauve-souris. Un crabe qui s'est mis du rouge à lèvres. Et alors, vous savez quoi? La nature fait bien les choses. C'est que les autres petits poissons, ils sont attirés par ces grosses lèvres rouges. Donc, ils viennent regarder. Et c'est là, le poisson chauve-souris, et ben, il bec ses proies comme ça. Elles sont attirées par ses lèvres. Il n'est pas si gentil que ça. Sinon, il y a des petites grenouilles. Pas le vilain crapaud que vous trouvez dans le jardin, là. Ouais, ouais. Magnifique. À la saison des amours, le mâle devient jaune vif. Et au niveau de ses joues, ça devient tout bleu, bleu roi. Extraordinaire, il est magnifique celui-là. Bon, il a un vilain nom, l'Indial Bullfrog. Ouais, on peut pas avec tout ça, avoir. Ça va pas, on peut pas ça va pas très loin. On peut bon, tout avoir. Un petit sinon dernier... ça, ah oui, un tout pas beau. Oui. Tu veux un tout pas beau ? Allez, un tout pas beau. Ça s'appelle l'intestin de mer. L'intestin de mer. Alors déjà, un alors, intestin. Oui, bon, tu vois un intestin, tu vois une andouillette. Ouais, bon, ouais. Ça ressemble à ça. Okay. Certains le surnomment. Ouais, sauf qu'il est blanc, tu vois. Ah ouais. Et on le surnomme également le poisson pénis. On le trouve dans les eaux d'Extrême-Orient. Pourquoi le poisson pénis ? Bah, tu tapes sur internet, tu vas comprendre pourquoi. Okay. Et quand on le cuisine, il paraît que c'est un goût d'andouillette. Bon, voilà. Ouais, enfin, sinon... bon, manger du poisson pénis, c'est quand même bon. Faut le vouloir, quoi. Sinon, tu sais que dans la mer, il y a des vaches. Non, c'est vrai. Des vaches dans la mer. Oui, il y a un petit mammifère marin, ça s'appelle la vache marine. Il est tout gros comme une vache. Eh ben, sauf qu'il vit dans l'eau. C'est pas extraordinaire. Cécile, elle se dit, mais où je suis ? Eh ben oui, dans cette émission, la mer et la terre. Bon, le poisson pénis et la vache de mer. Bon, en okay, fait, c'est l'intestin de mer, en fait. On ne connaissait pas. Ouais, mais... L'intestin de mer. Bah oui, oui voilà. Oui. Sinon, t'as des animaux qui rapportent un paquet de fric, si tu veux. Hein, comme le chat. Eh ben oui, c'est un chat. Ouais. Et ben il a gagné, tenez-vous bien, près de 100 millions de dollars en 2014. Et ça continue parce que c'est un chat qui est tout beau, tout magnifique. Il fait des pubs. C'est devenu l'un des petits, comment ça, un petit fétiche de YouTube. C'est un top modèle. Hein ? Oui, c'est un modèle. Top modèle, ouais, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est une petite chatte qui appartient à la famille des Tabatabus Budechen. Voilà, ouais. D'accord. Et ben okay. Voilà. Et si tu as un animal comme ça, ça peut te rapporter, tiens-toi bien, combien ? Près de 100 millions. De dollars. Ah, c'est intéressant. Le Royal enfin, Bourbon, oui, le Royal Bourbon qui pourrait faire voilà. Fortune. Quand je pense à mon chien Carpet, je me dis qu'il ne me rapporte rien du tout. C'est ça. Combien ça coûte quand même ce chat à l'achat ? Bah rien. Ah oui. C'est un beau chat. Qui fait carrière. Qui fait carrière, voilà, dans la publicité, la photographie et sur Internet. Bon, sur bah, le plus important, animaux, c'est d'aimer son animal de compagnie. On ne hein. sait jamais. Allez. Il est 5h30 sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Il a poussé un homme du haut d'une falaise samedi à Saint-Joseph. Gilles Alaise a été mis en examen pour meurtre. Son audition hier a confirmé que les faits s'étaient déroulés sur fond d'alcool. L'accusé a été placé en détention. Il est interdit d'importer de la viande, du lait, des peaux d'animaux de Maurice et de Rodrigue. La préfecture a précisé hier les mesures pour éviter la propagation de la fièvre aphteuse. Une épidémie touche les cheptels des îles voisines. On reparle des carrières pour le chantier de la nouvelle route du littoral. À Dioré, il faut s'entendre sur le prix de la roche avant de commencer l'exploitation du site de Saint-André. Nous l'entendrons. Et puis les lycéens et la cantine, histoire d'un désamour qui fait les affaires des camions-bars et des stations-service. On y revient à la fin de cette édition. Gilles Alaise sera jugé pour meurtre. Le Saint-Paulois a été mis en examen hier, samedi, alors qu'il était alcoolisé. Il avait poussé un jeune de 32 ans dans la rivière des remparts à Saint-Joseph. La victime avait aussi bu. La chute le long du rempart lui a été fatale. Hier, le procureur a demandé sa mise en détention pour éviter que les témoins subissent des pressions, pour éviter aussi une éventuelle récidive, car l'auteur des faits a déjà été condamné une vingtaine de fois, parfois pour violence. Samedi soir, Gilles Alaise n'était pas en position de légitime défense. Les précisions de Laurent Zukovic, le procureur du tribunal de Saint-Pierre. Apparemment, ce sont deux individus qui ne se connaissaient pas plus que ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils étaient tous les deux très fortement alcoolisés et que l'alcool a visiblement brouillé leurs repères, leurs perceptions. Il semble qu'ils se soient un peu disputés à propos d'une casquette. Le mis en cause indique qu'il se serait volé sa sacoche et qu'il aurait été poussé, ce que confirme un témoin d'ailleurs. Il serait tombé à la renverse depuis un muret. Et donc c'est consécutivement à cette altercation que le mis en cause, alors que encore une fois, la victime est hors d'état de nuire, va la projeter violemment, à tel point qu'un témoin nous déclare qu'il a vraiment eu l'impression qu'il voulait le tuer. Laurent Zukovic, le procureur du tribunal de Saint-Pierre, interrogé par Sophie Persson. Justice toujours avec cette autre affaire. Souvenez-vous, début juillet à Saint-Denis, un chauffeur du réseau Citalis conduisait son bus, une bière à la main et avec plus d'un gramme 5 d'alcool par litre 200. Il était mis à pied et placé sous contrôle judiciaire à l'issue de ce garde à vue. Il comparaîtra cet après-midi au tribunal correctionnel de Champfleury. Pas de saucisses ou de boucanées dans l'avion. Dimanche matin, deux compagnies aériennes ont décidé d'interdire aux passagers de faire voyager de la viande vers la métropole. Une décision prise puis abandonnée dans la journée. Il s'agissait de faire barrage au virus de la fièvre aphteuse. Mais le risque se situe ailleurs, pas entre la Réunion et la métropole. La préfecture a précisé hier les mesures de prévention en vigueur pour éviter que la maladie débarque dans l'île. Antoine Garnier. La fièvre aphteuse n'est pas transmissible à l'homme, mais le virus est extrêmement contagieux pour les animaux d'élevage, rappelle la préfecture. Sont concernés les bovins, ovins, caprins, les cerfs et les porcs. Jusqu'à nouvel ordre, il est formellement interdit d'importer à La Réunion, comme sur le reste du territoire national, les viandes, les plats à base de viande, le lait et les fromages en provenance de l'île Maurice ou de Rodrigues. Il suffit de quelques grammes de terre présents sous la semelle d'une chaussure, par exemple, pour transporter le virus. Dans les élevages agricoles réunionnais, des pédiluves doivent donc être installés devant les étables. Installation également dans les aéroports de Pierrefonds et de Gillot de tapis de décontamination des chaussures. La préfecture rappelle qu'aucune mesure de limitation des mouvements d'animaux n'est en vigueur dans le département. Cependant, les véhicules transportant des animaux d'élevage doivent par précaution faire l'objet de désinfection. Antoine Garnier, tous les passagers des avions et navires qui assurent des liaisons entre Rodrigues ou Maurice et La Réunion sont informés des mesures de prévention et d'interdiction en vigueur. Les contrevenants s'exposent à la confiscation des marchandises et à des poursuites, soit 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, des peines portées à 10 ans de prison et 300 000 euros d'amende en cas de propagation volontaire de la maladie. 5h34 sur la première, la suite du journal, Cécile Thomas. Le chantier de la nouvelle route du littoral et les carrières qui vont avec. À Saint-André, un nouveau projet de carrière situé au lieu dit Mansiol, l'Ermitage pourrait fournir 7 des 20 millions de tonnes de roches massives nécessaires à la construction des digues de la nouvelle route. Depuis hier et jusqu'au 22 septembre, les Saint-Andréens et les habitants des communes limitrophes peuvent consulter le dossier du projet en mairie. C'est un projet bien plus important que celui de Dioré qui est déjà sur les rails. Les autorisations sont là, mais l'exploitation du site n'a pas commencé. Les explications d'Alain Sinaretti, l'élu en charge de l'urbanisme à la mairie de Saint-André. Au niveau administratif, toutes les autorisations réglementaires ont déjà été délivrées. Maintenant, la question de la date précise du démarrage des travaux, c'est une discussion qui est actuellement en cours entre le groupement de la nouvelle route du littoral et la société Guintoli, et très certainement sur la question véritablement du prix des roches. Lorsque cette question du prix de la roche aura été traitée entre ces deux entités, à ce moment-là, le démarrage des travaux pourra être opéré. Il y aura 3 mois d'installation de chantier, les cheminements, etc. Et puis ensuite, l'exploitation réelle pourra commencer. Alain Sinaretti, interrogé par Olivier de la Richaudie. Et dans notre édition de 6h30, nous entendrons Didier Robert. Le président de Région était l'invité de Devant la Réunion hier sur Réunion Première. Il a confirmé qu'il ne demanderait pas l'avis des Réunionnais sur les carrières pour le chantier de la nouvelle route. Cette autre consultation bien lancée, elle, sur l'égalité réelle, comme tous les ultramarins, les Réunionnais sont appelés à se prononcer sur le texte d'Erika Baredj. La secrétaire d'État à l'égalité réelle et la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, ont présenté ce texte en Conseil des ministres le 3 août dernier. Depuis, vous pouvez vous rendre sur le site www.égalité-réel-outre-mer.fr pour apporter vos idées. Vous avez jusqu'au 9 septembre pour participer, Priscilla Etev. La consultation participative est en ligne depuis le 3 août dernier et pourtant, Joël, Georges et Lorenza n'étaient toujours pas au courant. Quoi qu'il en soit, ils approuvent complètement l'initiative de l'État. Je n'ai pas encore vu quelle était la forme du document proposé sur le site. Maintenant, effectivement, ça m'intéresse d'y participer. J'irai me renseigner là-dessus. Tout à fait intéressant de pouvoir participer quand on nous sollicite pour le faire. On regardait toujours, oui. Maintenant que Milo est au courant, oui. C'est très bien parce qu'il pourra donner tous les avis possibles. En tout cas, ce Réunionnais installé en métropole depuis quelques années ne donnera pas le sien. Ça pour faire semblant, ça, pour boucher les yeux de monde. M'y crois pas du tout ça, là. Moi. Il demande à nous de la vie à chaque fois et jamais les pris en considération, comme la loi El Khomri, là. Et il demande à où, mais s'il y a envie de faire, là, il va faire même. Un avis partagé par Georges. À côté, c'est une bonne chose. Mais des conditions, le gouvernement, le président, il tient vraiment son promesse. Il dit qu'il fait ceci, fait ça, mais jamais nous, le bout qui arrive au bout, jamais, toujours pareil. Ces déceptions et ces doutes expliquent sûrement le manque d'intérêt des Réunionnais pour cette consultation. Depuis le 3 août dernier, on compte seulement 300 participants sur la plateforme. Après la rentrée des petits, la rentrée des grands, hier rentrée à l'université, échelonnée elle aussi sur 2 semaines pour commencer à Saint-Denis comme au tampon. Les nouveaux étudiants sont conviés à une réunion de pré-rentrée. Hier, les élèves en licence éco, AES, administration économique et sociale étaient les premiers à être accueillis. Ils sont 693 dans le Nord. Stéphane Murdet est responsable pédagogique de la première année de licence AES. La particularité de cette première année, c'est que dans le premier semestre, on va avoir à la fois les étudiants qui vont se destiner à la licence AES et ceux qui vont se destiner à la licence économie-gestion. Le principe, c'est d'essayer de montrer un panorama de matières assez large pour leur permettre de faire comprendre quelle orientation précise vont prendre chacune de ces 2 licences et de se positionner en fonction de leurs compétences, mais également de leur centre d'intérêt. Donc une première année quand même décisive parce qu'ils ont un choix à faire au bout, c'est ça ? Oui, même un premier semestre décisif, car l'orientation va être donnée dès le mois de janvier, et la première année à l'université est dans tous les cas décisive. C'est un saut conséquent entre le lycée et un monde très différent. Stéphane Murdet, responsable pédagogique de la première année de licence AES, répondait à Johan Adama Dorassi. Et l'université propose 2 nouvelles licences cette année. Une licence management de la distribution et une licence de préparation au concours de la fonction publique. On reste dans le milieu scolaire avec les lycéens qui boudent la cantine. Cette année au lycée Georges Brassens à Saint-Denis, seulement 440 inscrits sur 1200 élèves. La plupart des élèves mangent donc à l'extérieur de l'établissement et ne vont pas bien loin puisqu'ils s'arrêtent au snack bar installé juste en face du lycée ou se dirigent vers la station service à quelques pas de l'établissement. À quoi ressemble leur pause déjeuner ? Élément de réponse recueilli par Amy Faconnier. Bah, à la station, j'y vais de temps en temps, le matin ou à la récréation, ou en sortant des cours comme ça. Peut-être si par exemple, je trouve pas une boisson aussi, je cherche là-bas. La station est près de la fac, donc on n'hésite pas de passer souvent. Je mange jamais à la cantine, en fait. C'est des fois à la cafette, oui, mais bon, c'est rarement. On achète des trucs à manger, des petites sucreries, genre des petits gâteaux, des chips, des trucs comme ça. De temps en temps, qu'on n'a pas le temps de rentrer à la maison les midis. Enfin, on n'est pas des gratinés, des américains. C'est selon les envies du choix. Les snack bars et tout ça, c'est plutôt bon. Parce qu'à la cantine, ils ne servent pas de qualité et ils ne servent pas assez non plus. Bah, des fois, quand on a pas envie d'aller à la cantine ou quoi, du coup, on mange un peu ce qu'on veut. Et voilà. Puis comme il n'y a pas les parents, on s'octroie un petit plaisir. Voilà, des lycéens qui ne préfèrent pas manger à la cantine, interrogé par Amy Faconnier. Contrairement à ce que dit la chanson... Moi, je préfère manger à la cantine. Et ben voilà. Avec les copains et les copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc. Ouais. Oh, le vieux souvenir, ouais. Mickaël. Ouais. Ah, bah si, la viande du caoutchouc à la cantine, si. Hein. Merci, Cécile. À tout à l'heure. 5h40 sur la première. La vidéo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. Et aujourd'hui, mardi, ce sera une belle journée, Mickaël. Ouais, une belle journée avant, ou après plutôt, la dissipation des entrées nuageuses sur l'est de la Réunion, à nouveau sur Sainte-Rose ou encore la région de la plaine des Palmistes. Les nuages vont se dissiper et laisser place à un franc soleil. Un soleil qui va faire remonter les températures parce qu'encore ce matin, on a des petites fraîcheurs. Hein, par endroit, 15 degrés seulement à Saint-Denis, donc c'est encore plus frais qu'hier. 6 degrés dans le cirque du Silos, seulement 2 degrés au volcan. C'est un petit peu plus chaud dans les plaines, enfin plus chaud, plus doux. 7 degrés, plaine des Cafres, alors qu'on n'en avait que 3 hier. Et 9 à la plaine des Palmistes. Enfin, globalement, on va encore garder le pull, le manteau, la doudoune pour certains secteurs, notamment sur les hauteurs de l'île. Le soleil va s'imposer donc une bonne partie de la journée. L'après-midi, les nuages vont à nouveau venir flirter avec les reliefs de l'ouest et du sud et pourquoi pas donner une ou deux averses sur ces hauteurs. Le vent va souffler de Chamborne à Saint-Denis et le long du sud sauvage avec des rafales qui avoisineront les 40 à 50 km/h. Autant vous dire que ça ne sera pas grand-chose, mais on le ressentira tout de même. Attention quand même, si vous prenez la mer sera agitée à forte de la pointe des Aigrettes à la pointe de la Table, donc autrement dit entre Saint-Gilles et Saint-Philippe, avec une houle modérée de secteur sud, voisine de 2 mètres, surtout sur le sud sauvage. Les températures vont remonter par rapport au matin. On aura jusqu'à 26 degrés sur les plages, 21 à Cilaos et 14 degrés à la plaine des Cafres. La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. À suivre, le marché avec Prisca. Exactement, on ira faire un tour à Sainte-Marie. Beau séjour pour voir un peu ce que vous pouvez acheter aujourd'hui en fruits, en légumes. Et avant 6h, on joue au mixeur pour vous faire gagner ces places pour ce concert événement, les toutes premières places hein, pour le concert du 7 octobre prochain aux Enfants Zilois de l'Est, exactement, avec l'Indigo et Désiré François. D'ici là, douceur, un artiste David Myrto. Soleil, il paraît il est en colère, il a causé avec madame la mère, la pile n'y caresse son cœur. Il paraît elle est en colère, il a causé avec madame la mère, la pluie n'y caresse son cœur. L'orage apprête son rouleur, la brume la met sans l'embâter. Mariage sous la lumière s'éclaire. Il entend dire le vent s'affale sans bouquet flaire. Dans sa vanne un petit paf à l'odeur. Zantilo diable, il proclame son bonheur. Zantilo diable, il proclame son bonheur. Mariage, l'eau diable de David Myrto sur Première dans Grand Matin. Ben vous êtes nombreux aussi à être sur Facebook en ce moment, à nous envoyer les petits messages. Ben vous continuez à liker, à mettre un petit j'aime sur la page Grand Matin. Cette page où vous pouvez envoyer vos photos de petit déjeuner. Exactement. C'est pas vous pouvez, vous devez. C'est que vous devez. Oui, pourquoi? Oui. Eh bien pour repartir avec des invitations pour aller au cinéma et participer à ce grand tirage au sort de vendredi pour repartir avec votre nuit d'hôtel, donc où que vous soyez. Qu'importe que ça n'est pas dans le petit-déj, votre photo, et vous mettez tout ça sur Facebook Grand Matin. Comment ça fonctionne avec votre nom? On vous retrouve ensuite, et puis on vous demande vos numéros, vos coordonnées, et puis ensuite, avant 8h, vous êtes peut-être avec nous ici. C'est ça. Sur Réunion Première dans Grand Matin. On va filer sur le marché dans un instant, restez là. Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce qu'il y a du monde dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zilois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Allô ? Oui, ni hao. Bonjour. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois. Oh, 你想学汉语, 没问题, pas de problème. Débutant, faux débutant, intermédiaire ou avancé, l'Institut Confucius vous propose dès la rentrée de septembre des cours de chinois à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Plus de détails sur confucius.univ-reunion.fr. Le chinois, c'est très facile. L'Institut Confucius vous attend. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Tu es étudiant ou jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Première. Et c'est l'heure d'aller bazar sur la première. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Prisca, c'est à vous en direct depuis Beau Séjour. Allez, il y a un petit vent frais ici ce matin. Pour c'est éveiller. Un marché, bah oui, c'est un marché qui s'essouffle un peu depuis son installation, puisqu'il n'y a que 10 bazardiers qui sont installés là, à l'heure où je vous parle. Mmh. Et je suis avec Jérémy. Jérémy, il a ramené du Pak Choi. Tu connais ça? Non, du tout. Pak Choi. Rien à voir avec Pokémon ou les Pet Shop. Ouais. Mmh. Jérémy, bonjour. Bonjour. Je ne connais pas c'est quoi ça. Et pourtant, moi, les sûres à la fine mange ça. Et bien sûr, c'est un bread. Oui, c'est des toutes petites bread. En fait, donc ça n'a rien à voir avec le bread sojan. Le bread sojan. Oui, c'est des petits breads de. Mais pas pareil le sojan. Oui, et qu'est-ce qu'on. Un peu comme le bread choutine, sauf qu'il est un petit peu petit. Ah, ça, je connais choutine. Ça, oui. Et comment est-ce les meilleurs. Incontournable. Oui, les meilleurs. Donc, ça, il change. Pas de choix. Ça a le goût. Oui. Mais sinon, ça. Pour l'aide de moi, on utilise ça dans les sautés. Et puis, oui. On met ça aussi dans les soupes. Bah, dans la soupe aussi, maintenant. Mm-hmm. Ah oui. Mais ça, les. Plus les Chinois, beaucoup, ils aiment ça beaucoup. Oui. Et puis les créoles aussi. Et puis là-bas, on en a une autre qualité de bread, là, où je ne parle à moins d'un... C'est le bread sojan, à peine on a le bread morel. Le bread sojan. Oui, sojan. Ben, et c'est ça, il fait la différence entre le sojan et le pak choi. Ben, les deux, à peu près, c'est la même chose. Hein. Oui. Ben, oui. Attends, venez, on va se rapprocher de votre étal. C'est vrai que les deux, les pareils, sauf que nena, la grandeur, elle n'est pas pareille, et puis le goût aussi. Si, ben nena, il n'aime pas le grand bois, c'est le bois de sojan. D'accord. Eh ben, étant dit ça, le pak choi, il mange tout. Oui. Mais ça aussi, il mange tout. Mais après, nena, na de moni, il jette le bois. Le bois de bois, oui, exactement. Et ça coûte combien, au niveau du prix? 1 euro, un dans l'autre. Un dans l'autre. 1 euro. Merci. Imbattable. Bon. Ah oui, prix imbattable hein, sur le marché forain de Beau Séjour. Bon, on va prendre notre petit déjeuner, puis on va poster la photo sur la page Facebook ah, de Grand chouette. Matin. D'accord, Jérémy? Il n'y a pas de souci. Parce que nous, on ne connaît pas les bread pak choi, là. Ni bon. Le sang-jean, d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, un coucou à tous ceux et qui mangent de la soupe le matin. J'en connais. C'est vrai. Ah, il y en a qui mangent la soupe le matin. Ah, okay. Bah, bien sûr. Bah, qui boit plutôt. Nous, tant qu'on ne voit pas la photo, on ne sait pas. C'est ça. Allez, postez-nous vos photos là, les amis, sur la page Grand Matin de Facebook. C'est clair. À tout à l'heure, Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. En même temps, il faut arrêter d'aller juste au supermarché. Voilà un peu sur les marchés pour connaître un peu plus de variétés de bread. Aïe, aïe, les bread pak choi, on aura appris un truc ce matin. Allez, on va jouer maintenant. Bah oui, c'est l'heure au thé. Et comme chaque matin, il réapparaît dans les studios, plus fort que jamais, enfin bon. Enfin, plus bizarre que jamais. C'est le DJ Fou. DJ Fou. Bah oui. DJ Crazy, qui est là avec nous et qui nous a encore remixé deux titres ce matin. Enfin, remixé. Il a collé avec un bzzz au milieu, quoi. Hein, d'accord. À vous de retrouver deux titres ou alors les interprètes des chansons qui vont arriver. Ça se passe au 02 62 99 2000 à gagner vos invitations. Pour ce concert... Événement. Ah oui, c'est un événement. Plus de 3 heures de concert au petit stade de l'Est au mois d'octobre. Cassia, l'Indigo, Enfants Zillois, c'est pour vous. C'est maintenant ou jamais. Là, je vois pas le standard vraiment se remplir. 02 62 99 2000, voici le mixeur. Facile. Ah ouais, alors là... Tu te foules pas trop, DJ Fou, hein, ça va, hein, tranquille. Hein. Ah... Ouais, là aussi, facile. Artiste qu'on connaît bien. Ah, ça tombe bien, les deux titres sont dans les extraits. Parfait. Ouais, en plus. Bah oui. Trop dur, ce matin. En plus. Allez, c'est le moment d'appeler 0262 99 2000. Il nous faut soit l'artiste, soit le titre. Voilà. À vous de choisir. Allez, on prend un appel à la volée, comme ça. Allô, c'est à vous. On est parti. Bonjour. Grand matin, bonjour, bienvenue. Oui, bah voilà, je t'appelle pour le jeu. Hein. Ah oui, bah ça s'entend. C'est qui à l'appareil? c'est Kevin. Ça va, Kevin? Ouais, ça va, je suis sur la route là, pour aller au boulot. Kevin, il fait quoi dans la vie, Kevin? Commercial. Donc il est souvent sur l'île et sur les routes de l'île. C'est ça. Et bien, ça tombe bien, après 6h, Yves Gruyer nous renseignera sur ce qui se passe, justement, sur l'état du trafic. Kevin, bah, écoutez, ça roule bien. Hein. Bon, ben ça va mieux. Vous êtes où, Kevin? Dans quel coin? Ben là, je suis à Sainte-Marie. Ok, ok. Ça roule bien dans le sens, donc, ouest-nord. Voilà, Saint-Pierre-Sainte-Marie, bon, ça roule bien. Eh ben, c'est parfait pour l'instant, en tout cas. Kevin, c'est quoi les bonnes réponses? Qui ça y chante, ça? Alors, je crois qu'il y avait Benjam. Oui. Oui. Et l'autre chanson, enfin, du coup, j'ai lancé l'appel. Mais l'autre chanson, vous savez, c'est une sud-américaine qui a, on va dire, des cuisses très, très importantes. Voilà. Vous voyez? L'argument. C'est Jennifer Lopez. Ah, bah voilà. Voilà, l'argument qui fonctionne, en fait. C'est un détail, mais qui fait tout. Bravo Kevin. Vous repartez avec ces deux invitations pour le concert Enfants Zillois. C'est un concert événement. 3 heures de concert avec sur scène Cassia, l'Indigo, Désiré François. C'est pour vous, Kevin. Super. Bah, c'est cool beaucoup. Ça. Bonne route. Salut Kevin. Merci. Bonne journée. Bye bye. Yeah. 5h53 dans toute la Réunion, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Waro Joseph. Monsieur Waro Joseph Théo, décès survenu dimanche. La veillée se tient au crématorium de Prima. Les obsèques auront lieu à la chapelle de Prima à 11h aujourd'hui. L'enterrement aura lieu au cimetière de Sainte-Clotilde. Décès de Monsieur Royer Johnny. Monsieur Royer Johnny, le décès est survenu hier à l'âge de 45 ans. La veillée a lieu au domicile au 85 route nationale 2 au Baril à Saint-Philippe. L'heure et le jour des obsèques seront communiqués ultérieurement. Décès de Madame Abilon Paola Marie-Adèle. Madame Abilon Paola Marie-Adèle, née Robert. Le décès est survenu hier à l'âge de 41 ans. Le convoi mortuaire sortira du 22 chemin Cresson, jardin La Perrière à Saint-Paul. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Paul. La date et l'heure seront communiquées ultérieurement. Décès de Madame Devaux Marie Mireille, née cadet. Madame Devaux Marie Mireille, née cadet. Le décès survenu dimanche à l'âge de 67 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 456 Ravine Sèche à l'étang Salé aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église de l'étang Salé Les Hauts à 16h, suivi de l'inhumation cimetière de l'étang Salé Les Hauts. Décès de Monsieur Tipaka Jean. Monsieur Tipaka Jean, dit Tipaké. Le décès est survenu hier à l'âge de 80 ans. Le convoi mortuaire sortira de chez sa fille, Madame Sadéien Jeannette, au 4 ligne 84, Ravine des Cafres à Saint-Pierre, aujourd'hui à 14h45. La bénédiction aura lieu en l'église Notre-Dame du Mont-Carmel à Grand-Bois à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Grand-Bois. Décès de Monsieur Kaini Charles. Monsieur Kaini Charles, dit Charlot. Le décès survenu dimanche à l'âge de 79 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 173 rue à la Rivière à Cambuston à Saint-André. Aujourd'hui, à 15h, un discours biblique sera fait à son domicile par un pasteur à 14h, suivi de l'inhumation au cimetière de Chamborne à Saint-André. Décès de Madame Armoudom Marie-Thérèse Antoinette. Madame Armoudom Marie-Thérèse Antoinette, le décès survenu hier à l'âge de 87 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie aujourd'hui. Un discours biblique sera prononcé au centre funéraire à 15h, suivi de l'inhumation au cimetière de l'Est à Saint-Denis. Décès de Monsieur Lop René Dominique. Monsieur Lop René Dominique, dit Tizin. Le décès survenu dimanche à l'âge de 53 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 8, impasse Ernest Deville, Marapuldo à Salazy. Aujourd'hui à 14h30, la bénédiction aura lieu en l'église de Salazy Village. À 15h, suivi de l'inhumation au cimetière de Salazy. Décès de Madame Célie Laurence. Madame Célie Laurencine, née Sini-Vassin. Le décès survenu hier à l'âge de 90 ans. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Kondoki Jean-Théodore Michel. Monsieur Kondoki Jean-Théodore Michel, le décès survenu hier à l'âge de 46 ans. Le convoi mortuaire sortira de la salle de l'immeuble de la rue Elakoun, rivière des Galets au port, aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de la rivière des Galets à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de la Possession. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité. Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Quelques infos pour ce mardi, Michael. Les distributions en eau perturbées, voire interrompues. Pour les abonnés de la commune de Trois-Bassins, suite aux travaux du forage de la Grande Ravine sur l'ensemble de la commune, la remise en eau se fera dès achèvement des travaux aujourd'hui. À Saint-Denis, coupure d'électricité de 9h à 16h, chemin José-Michel, des Cerisiers, Allée des Vignes, chemin de Saint-Bernard, Jean-Baptiste Emmanuel, Couillou, de la Ruelle Bambou, des Peupliers, route des Azalées en partie et chemin de la Convalescence. Dans deux minutes, le journal avec Florent Marot. Et d'ici là, une petite douceur avec M. Taureau Chameau. Outungu sur la première, bon réveil. Masikini, masikine. Arwae, kanawae. Bemtona. Nkomori, si shangebe. Uza, wawana. Wasisoma. Laukana Hauku Hauku Raukoloni, raukoloni Rahaka, raparansia Yausawa Fo warba yang pumu ata Na ore maringa Bi wasi uhima Oi How to How to Jeje, jema, ulavu sendra. Kisendra na matembezi. Ah, haya matembezi mema basi kwa mkwa venti. Haya basi. Artiste qu'on avait découvert au Sakifo, à La Réunion, titre de son nouvel album Punk Island, M. Taureau Chameau, avec Outungu. Outungu, bon, il est 6h sur la première. Merci de vous réveiller avec nous. C'est l'heure du journal présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. 9780, c'est le nombre d'étudiants inscrits à la fac cette année, chiffre encore provisoire. La rentrée universitaire, c'était hier à Saint-Denis et au Tampon, premier à avoir été accueilli. Les licences éco-AES, à un moment, nous le verrons, délicat pour les néo-bacheliers. Il conduisait son bus, une bière à la main et avec plus d'1,5 g d'alcool dans le sang, un chauffeur du réseau Citalis est jugé cet après-midi. Il avait été dénoncé par ses passagers. Précision à suivre. Didier Robert ne consultera pas les Réunionnais sur les carrières dédiées à la nouvelle route du littoral et pourtant une enquête publique est attendue pour celle de Bois-Blanc. Une autre vient de démarrer dans les Hauts de Saint-André. Et puis, nous irons dans le sud à la fin de cette édition voir comment se porte la filière apicole. Les députés viennent d'interdire les pesticides tueurs d'abeilles. Ils sont donc près de 10 000, 9 780 exactement, à être inscrits à la fac cette année. Tous n'étaient pas là hier. La rentrée universitaire va en effet s'étaler sur 2 semaines en fonction des filières. Hier à Saint-Denis, les premiers à rejoindre les bancs de la fac ont donc été les licences éco-AES, administration économique et sociale. Ils ont assisté à une réunion de rentrée, pas facile quand on vient d'avoir son bac. Joanne Adamadorassi a rencontré quelques étudiants plutôt stressés. Nouveau cadre d'études, nouvelle organisation, la rentrée a de quoi perturber les étudiants, surtout les nouveaux bacheliers. Au terme de la réunion de présentation de filière, les licences éco-AES semblent un peu stressées à l'image de Karim. On voit que ça va être difficile de s'adapter à l'université, c'est pas comme le lycée. Le lycée c'était encadré et tout, et là on est dans l'amphithéâtre, il y a plein de gens. Un sentiment partagé par Clorane, lui est confronté à une autre difficulté. Originaire de Saint-Pierre frère, il s'est installé seul dans la capitale pour ses études. On n'est pas habitué à vivre comme ça, donc voilà, il nous faudra quand même un petit moment de préparation. C'est dans l'objectif de les rassurer et de les accompagner que la réunion de pré-rentrée a été organisée. Une rencontre où les étudiants ont trouvé réponse à leurs questions selon Jérémy. Ils m'ont bien expliqué, faut pas qu'on a peur pour le futur, quoi. Donc on aura beaucoup d'aide tout le long de l'année. Toutefois, certains ne sont pas vraiment sûrs de leur choix à l'image de Maëva. Elle vient d'une filière S et ne connaît strictement rien à l'économie. Je me laisse cette année et après, si je réussis pas, je pense changer de licence. Et pour ceux qui souhaiteraient changer d'orientation plus tôt, c'est possible. Pour cela, il faut se rendre dans le service du profil qui s'occupe de l'orientation et de l'insertion professionnelle à l'université. Et l'université qui propose deux nouvelles licences cette année, management de la distribution et préparation au concours de la fonction publique. Hier, c'était également la rentrée générale pour les 224 000 élèves de Lille, le jour des premières, premier vrai cours avec les professeurs, premier devoir, premier repas également avec les copains. La plupart des élèves mangent sur place le midi. Alors justement, quel est le menu de nos marmailles à l'école? Reportage complet dans le journal de 6h30. Dans le reste de l'actualité, on reparle de cette affaire qui avait fait grand bruit le mois dernier. Souvenez-vous, il s'agissait d'un homme de 35 ans qui conduisait son bus, une bière à la main et avec plus d'1,5 g d'alcool dans le sang. Ce chauffeur du réseau Citalis avait été dénoncé par ses passagers, ceux de la ligne 21 vers la montagne. Il est jugé cet après-midi au tribunal correctionnel de Champfleury. Antoine Garnier. Le bus fait désembarder et le chauffeur boit en conduisant. C'est en substance le message reçu par les policiers dionysiens le 1er juillet dernier en fin d'après-midi. L'alerte est donnée par une passagère de la ligne 21 du réseau Citalis qui dessert le quartier de la montagne. Arrivés sur les lieux, les policiers se rendent compte qu'il ne s'agit pas d'un canular. Le chauffeur du bus, qui transporte une quinzaine de personnes à ce moment-là, conduit bien avec une bière à la main. Des analyses révéleront ensuite qu'il présente une alcoolémie d'1,5 g par litre de sang. Lors de sa garde à vue, cet homme de 35 ans évoque ses problèmes avec la boisson. Il a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une procédure pour conduite en état d'ivresse. Une information que la Sodipark ignorait lorsqu'elle a embauché ce conducteur, indique la société gestionnaire du réseau. Pour contourner l'éthylotest antidémarrage destiné à éviter qu'un chauffeur puisse conduire dans cet état, le prévenu a laissé le moteur tourner pendant sa pause. Lui vient d'être mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Gilles Alaise a tué samedi Idriss Rosena, qui l'a poussé du haut de la rivière des Remparts à Saint-Joseph. Une chute de 15 mètres. Le meurtrier a reconnu les faits, mais n'explique pas son geste. Les deux hommes étaient alcoolisés. Attention, si vous êtes sur le réseau routier, un pneu de camion est tombé sur la route des Tamarins, 200 mètres avant le tunnel de Saint-Leu. Ça se passe en direction de Saint-Denis. Le pneu est placé au milieu des deux voies. Soyez prudents. 6h05 sur la première. La suite du journal, Florent Marot. Didier Robert l'a confirmé hier devant La Réunion. Il ne se représentera pas aux élections sénatoriales. Le président de région qui a également annoncé qu'il ne consultera pas les Réunionnais sur les carrières, celles qui doivent fournir les roches massives pour la nouvelle route du littoral. Il dit attendre le résultat des enquêtes publiques, notamment celle très attendue de Bois-Blanc à Saint-Leu. Mais une autre enquête publique vient de démarrer dans les hauts de Saint-André, au lieu dit Mansiol-l'Ermitage, 30 hectares sur les hauts de Bras des Chevrettes. Cette carrière pourrait fournir 7 des 20 millions de tonnes nécessaires, plus que pour durer. Si le rapport du commissaire enquêteur s'avère favorable, l'exploitation pourrait démarrer dans un an. Le site présente en effet de bonnes garanties, selon Alain Sinaretti, l'élu en charge de l'aménagement à Saint-André. Nous sommes dans la même configuration, il n'y a pas d'expropriation, il n'y a pas d'impact direct sur les habitations. Et donc, à partir de ce moment-là, ce sont les autres nuisances qu'il faut bien sûr regarder avec attention. Cette carrière de Mansiol et de l'Ermitage, elle se situe à peu près à quelle distance des premières habitations? 300 mètres pour les plus proches, 500 mètres, 800 mètres, voilà. Ce sont des distances a priori raisonnables. Et si jamais les études démontraient qu'il fallait prendre des mesures de précaution supplémentaires, notamment s'agissant des tiers de mine et de du fractionnement de la roche, à ce moment-là, dans le cahier des charges de la société Guintoli, ces dispositions seront consignées. Alain Sinaretti, élu en charge de l'aménagement à Saint-André, interrogé par Olivier de la Richaudy. Fin de l'enquête publique dans un mois. Saint-André, Brapanon, Sainte-Suzanne et Salazie sont concernés. On reparle maintenant de l'égalité réelle. Les Réunionnais sont appelés à contribuer à l'élaboration du projet de loi, un projet qui devrait être soumis au Parlement avant la fin de l'année. La secrétaire d'État, Erika Baredge, et la ministre des Outre-mer, Georges Pollangevin, l'ont présenté en Conseil des ministres début août. Depuis, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.égalité-réelle-outremer.fr pour apporter vos idées, problèmes. On compte moins de 800 contributions. Jean-François, lui, ne savait même pas que cette consultation en ligne existait. Il va désormais s'y intéresser. Ça serait stupide de passer à côté. Pour une fois qu'on me donne la parole, je vais en profiter. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le gouvernement demande son avis à la population ? C'est qu'à mon avis, il a l'agonie. Je pense qu'il a l'agonie, il a lancé un truc qu'il ne maîtrise pas et finalement, il ne sait pas dans quelle direction partir. Donc, il va demander à la population de prendre parti. Bon, faut pas être naïf. Vous y croyez, vous ? Non. À la marge, ils vont bien entendu prendre des idées, à la marge. Mais les principales passeront toujours à côté. Il y a tellement de lobbying ici à La Réunion que ça passera pas. Jean-François, interrogé par Priscilla Etève, et vous avez jusqu'au 9 septembre pour participer. Les députés, de leur côté, ont interdit l'utilisation des pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes. Le texte a été adopté en juin dernier et l'interdiction prendra effet le 1er septembre 2018. La Réunion n'est pas vraiment concernée puisque le produit est rarement utilisé ici, mais d'autres facteurs dégradent la filière apicole. Étienne Fontaine, apiculteur à Bras-Creux au Tampon, est inquiet pour les abeilles qu'il appelle les sentinelles de la biodiversité. L'abeille, c'est l'un des piliers qui assure la biodiversité, parce que l'abeille pollinise plus d'un tiers de notre alimentation. Donc ici à La Réunion, il n'aurait plus de chouchou, il n'aurait plus de litchi, pastèque, melon, tout ça là, tous les fruits. Après les légumes aussi, les tibreds, a besoin de l'abeille pour faire le grain, pour ressemer, les oignons pareil. Et après aussi, il faut savoir aussi que l'abeille pollinise aussi les pieds de bois. Donc ici, on a plein de pieds de bois endémiques et indigènes qui ont besoin de l'abeille pour pouvoir faire de graines et ressemer et repousser par la suite pour régénérer les forêts de La Réunion. C'est une sentinelle de la biodiversité, on va dire. Étienne Fontaine, apiculteur au Tampon, micro-réunion première de Priscilla Etève. Allez, on passe au sport avec un premier bilan des Jeux Olympiques de Rio. La France termine la compétition avec 42 médailles, dont 10 en or. Les Réunionnais ont brillé. Daniel Narcisse décroche l'argent en handball. Marine Boyer termine quatrième à la poutre. Cinquième place pour Noé Delpech en voile. On en reparlera à 7h15 avec l'invité de la matinale, Philippe Dornier. Reçoit aujourd'hui Monique Catala, la présidente du CROSS, le comité régional olympique et sportif. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info et on parle ce matin de la colère des producteurs de lait. Les producteurs de lait entendent toujours bloquer l'usine Lactalis à Laval. Depuis 22h cette nuit, des agriculteurs du Grand Ouest sont devant le siège du leader mondial des produits laitiers. Vers minuit, ils étaient environ 500. Aucun camion ne quittera le site si les éleveurs n'ont pas été entendus, a fait savoir l'un des représentants sur place. Ils accusent toujours Lactalis de tirer les prix vers le bas. Il y a 2 ans, le litre de lait était acheté 40 centimes d'euros. Actuellement, les agriculteurs ne touchent que 25 à 27 centimes. Les producteurs sont prêts à rester le temps qu'il faudra. Ils seront relayés par d'autres venus de Normandie ou encore de Bretagne dès ce mardi. Un livre, un tweet et le faux suspense volent en éclats. Nicolas Sarkozy l'a annoncé ce lundi. Il sera bien candidat pour la présidentielle de 2017. Dans les premières lignes de son livre intitulé « Tout pour la France » qui doit paraître mercredi, l'ancien chef d'État déclare avoir la force pour mener ce combat à un moment si tourmenté de notre histoire. Un re-comeback après son retour en 2014 à la tête de l'UMP qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Revoilà super menteur, a ironisé le vice-président du Front National, Florian Philippot. De son côté, François Hollande, alors en Italie pour une réunion sur l'Union Européenne, n'a pas souhaité commenter la candidature de son ancien adversaire en 2012. La messagerie cryptée du type Telegram dans le viseur de la France et de l'Allemagne, ce moyen de communication très utilisé par les réseaux djihadistes, donne du fil à retordre aux agences de renseignement. Pour tenter de trouver une solution et percer ces moyens d'échange chiffrés, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et son homologue allemand Thomas de Maizière ont rendez-vous ce mardi à Paris. Ils envisagent une action commune pour faciliter le traitement de ces données. 60 000 emplois créés d'ici la fin de l'année en France. Une bonne nouvelle liée à la prime à l'embauche selon une étude de la Direction Générale du Trésor. La mesure figurait parmi le plan pour l'emploi présenté par François Hollande à la mi-janvier. Le dispositif permet aux PME ayant embauché un jeune ou un demandeur d'emploi de toucher une aide de 2 000 euros par an pendant 2 ans. Les fruits et légumes vous ont coûté très cher cet été. En moyenne, comptez 18% de plus pour les fruits et 10% pour les légumes par rapport à l'an dernier. C'est le résultat du baromètre annuel de familles rurales à lire ce mardi dans les colonnes du quotidien La Croix. De fortes augmentations dues en partie aux mauvaises conditions météo. La délégation tricolore est attendue à l'Élysée. Les athlètes français rentrent ce mardi de Rio. Après une Olympiade couronnée de 42 médailles, ils devraient être reçus par le président en fin de journée. Monaco n'est plus qu'à 90 minutes de la Ligue des Champions. Les footballeurs monégasques reçoivent les Espagnols de Villarreal ce mardi soir. Victorieux à l'aller 2-1, les hommes du Rocher sont dans une très bonne position pour franchir ce barrage. Début ce mardi du 9e festival du film francophone à Angoulême. Plus de 50 œuvres seront projetées jusqu'à dimanche. Parmi les films en compétition, l'Odyssée, l'histoire vraie d'un commandant au bonnet rouge, un certain Jacques Cousteau. Il est 6h13 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Et Mickaël, à cette heure-ci, il fait 15 petits degrés seulement sur Saint-Denis. Oui, c'est frais. On est vraiment en dessous des normales de saison hein, pour Saint-Denis actuellement. Bon, c'est par place, hein, puisque c'est vrai qu'il fait un peu plus doux, notamment dans l'ouest, au port, avec presque 20 degrés atteints. 7 degrés à la Plaine des Caves, c'est un peu mieux qu'hier. Et actuellement, vous réveillez avec 18 degrés à Saint-Pierre. Les températures vont remonter forcément cet après-midi à la faveur de l'ensoleillement, même si il sera moindre certainement côté est, puisque les nuages vont certes se dissiper, mais rester quand même bien présents dans le ciel de l'est de la Réunion, aussi bien d'ailleurs sur les hauts que sur le littoral. Sur les hauteurs de l'ouest et du sud, là on devrait aussi voir le ciel se draper de nuages, mais normalement pas beaucoup d'averses hein, sous ces nuages. On gardera une impression de beau temps, une belle journée que nous annonce Météo France, donc on croise les doigts avec du vent qui va souffler le long du sud sauvage et la région du chef-lieu. 40-50 km/h attendus, donc pas plus. Par contre, une mer agitée à forte hein, sur l'ouest et le sud, notamment avec sur le sud une houle voisine de 2 mètres. Donc prudence si vous prenez la mer, si vous êtes aux abords du littoral. Température cet après-midi 23 à 26 degrés sur la côte. Il fera 12 degrés au volcan. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Et on va prendre des nouvelles du trafic avec Yves Gruyé. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Heureux de vous retrouver, même temps qu'hier, la fraîcheur et du beau temps. Une circulation très dense sur la partie nord-ouest, c'est-à-dire Saint-Paul, fin de route Tamarin. On va en parler dans un instant, puisqu'au début de la route des Tamarins, enfin oui, sur les 2-3 premiers kilomètres, attention, il y a eu un événement avec un poids lourd qui a éclaté son pneu, donc une patrouille est partie sur place, mais entre-temps, les deux voitures ont été concernées, semble-t-il, par une collision ou un accident à hauteur de ce poids lourd. Ça se passe à peu près 500 mètres avant la ravine du Trou, c'est dans le sens Saint-Pierre-Saint-Denis. Attention, le véhicule ne serait plus sur la chaussée, il serait uniquement sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, si ça a l'air de la Saline, je suis pas très loin. Je vais aller voir ça dans un instant. Donc, je vous parlais de ce bouchon juste avant la tranchée maintenant. Donc, avec une circulation qui était très compliquée, notamment sur une partie de route digue où ça n'avançait vraiment pas. Et puis, le trafic est très dense jusqu'au pont de la rivière des Galets. Ensuite, pas de problème pour la route du littoral. Les travaux sont terminés pour le dernier à 5h30 en ce qui concerne la 4 voies de Saint-Benoît, ouverte à la circulation. Attention, il y a un gros trafic autour de Quartier Français et Sainte-Suzanne en ce moment. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Et puis, n'oubliez pas, si la route de Sillaos est rouverte à la circulation, eh bien, les travaux de purge reprennent à 8h ce matin jusqu'à 17h avec des coupures de 45 minutes au niveau d'Ille-et-Talcide. Merci beaucoup, Yves. Rendez-vous tout à l'heure pour l'infotrafic. Et restez là, on vous offre votre panier de fruits et légumes. Exactement, ça se passe au 02 62 99 2000. Alors appelez, et puis ensuite on file au marché. Voici Neruda. The sunshine in my heart, when the clouds come and the waves part, so the bells ring and we all sing, what I'm feeling here together. Where to begin with these words of mine? And if I'm lost, I'm in paradise. And every morning with a new, it's a new day, and I sing. I know that there is something much better in my life. I'm living for a paradise, yeah. I know that you've been running forever, but sometimes I'm living for a paradise, yeah. So why don't we stay? A paradise, a paradise. fight every day and night. I really wanna know where you are sometimes, but I can understand if you can decide. You know we belong together, and I stay here forever if you go now. Time and place, there's no disguise. Every moment's paradise now. You're surrounded by the blue skies. Surely there's no compromise when it's your time. I know that there is something much better. Neodai, Chris Cab avec Paradise sur Première. Bon réveil, bonne rentrée à tous. On va filer sur le marché, mais avant cela, on va vous offrir votre panier de fruits et légumes. Exactement, 20 euros que vous pourrez dépenser quand bon vous semble. Des fruits, des légumes, rien que des fruits, rien que des légumes, vous ferez ce que vous voulez. Donc continuez d'appeler. Oui, 99-2000. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Et on accueille Camille de Saint-Joseph. Bonjour Camille. Bonjour. Comment ça va Camille ? Très bien et vous ? Bah, bah, tranquillement. Oui, Camille, encore à la maison, sur la route ? Encore à la maison. Encore bah, à la maison. On va faire quoi aujourd'hui Camille ? Bah, déposer mon garçon à l'école et après je ne sais pas encore. Ah bon, pour l'instant c'est journée libre alors. Voilà. Le petit garçon il a quel âge ? Il a 4 ans. Il a 4 ans, donc maternelle pour lui. Oui, un petit bout de chou encore. Oh, c'est mignon. Et 4 ans, c'est plus vraiment un petit bout de chou, Camille. Ouais. Faut arrêter avec ça, ma fille. À grandir, mais alors. Ne lui gâchez pas son rêve de maman. Oh là là, ah oui. Non, mais il sent la nostalgie bon, là dans la voix de Camille. Là. Hein oui, un de petit quand peu. T'es bébé. Ben, oui. Il a encore le temps de grandir, ce petit. Il s'appelle comment d'ailleurs ? Camille. Il s'appelle Clément. Clément. Clément, Clément et Camille. Clément. Eh bien, vous pourrez aller au marché. Parce qu'on vous donne 20 euros. Exactement. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, c'est pour vous ce bon offert par les magasins Espace Fraîcheur et Réunion Première. Vous en profiterez donc pour emmener Clément avec vous. Comme ça, il verra bien les différentes qualités de bread. On en apprend tous les jours avec Prisca sur le marché forain. Comme ça, il sera incollable, Camille, d'accord ? Oui, bah, en plus, on y va souvent et il sait quand même des choses. Ah, bah ça, c'est bien ça. Il pourra encore apprendre. Ça, c'est chouette. Les breads Fashoy, comment ? Tu vois, j'ai déjà oublié. Oh là là. J'avais jamais entendu parler. Eh bah, c'est bien, on sent moins seul du coup, Camille. Hein. Les photos d'ailleurs sur la page Grand Matin, vous pouvez voir les photos de ces breads. Ah, chouette. Sur la page Grand Matin, GRAN matin derrière. Bisous, Camille. Bisous, bisous. Merci beaucoup à Réunion Première. Il n'y a pas de souci, on vous fait un gros bisou, à bientôt. Au revoir. Bye bye. La Réunion est magique. C'est vrai, c'est Oesson qui le dit. Ah. La Réunion est magnifique. Les plus belles de tous les tropiques. Ici, vibration est magique, ouais. Toute Caprine est authentique. Yeah, yeah, me. 974, 21 juin 2012, bonne faire ou connaissance. Sans ou pour moi, tu y a une nouvelle naissance. Mon attiré pas ou beauté, ou simplicité, ferme les qui a prêté. Moi, Corinna, sans sentiment mélancolique. Comme ils ont mis de l'or et tout en bout de San Maurice. Depuis sa sous réunion, gravé dans les quais, promet tout moi pourrait venir voir où. Apprécier sa nature bagatelle. La ville. ville est douce, la ville est belle. Appréciez-les tous les temps, ça m'y rêve depuis longtemps. La Réunion, elle est magnifique. Les plus belles de tous les tropiques. Ici, vibration, les magiques, ouais. Toute Kaffrine, elle est authentique. Ça qu'il faut tous les années. Kaloupang fait pêtre, Agaden, sol, reggae. Faut des voix comment l'amour circule dans l'air. L'union fait la force emmène le succès. Peuple réunien, c'est l'état d'esprit. Peine à division, tout problème est dans son solution. Récif, réunion manque, il faut un mot. Prononce à nos poumons, réconfort. Rayonner, j'autre pays, Marie-Soli. Dans tout sens du terme, vrai pas mentir. Moine bien pressé, j'autre bande type la créole. Aussi la façon banne. Frère rigole, comment il est? Mais la Mauricien qui position correctement 974 toujours dans mon vision. Mission, mission extraction. Babylone, rate mon passeport. Laisse-moi aller. La Réunion, elle est magnifique. Les plus belles de tous les tropiques. Ici, vibration, les magiques, ouais. Toute Kaffrine, les authentiques. Maurice, un joli pays, mais l'état complique tout. Des à la vie compliquée, je ne parle pas tiens, ça la sonne dans nous les pieds. Maurice malade, me dit-il malade, moi, ouais, mais me connais. 5-6 années guéris, toute malade. Ceux qui n'en les connaissent, mon papa raconte salade. Plaisir pour soigner sa bonne frérot. Partage un peu, bon trip nouveau. La Réunion, place idéale, pas doucime au cerveau. Cassène pose loin en bas de l'esprit bombo. 974 dans les quais négros. Moi kiffe le nord jusqu'à le sud, l'est jusqu'à l'ouest. Réunion, ça son spécial pour eux. Dans tout ban sud tropical, fait où connaît. Ou même number one, yeah. La Réunion. Eh, vous inquiétez pas, Oesson est encore vivant. Hein. C'est vrai qu'il pousse sur la voie, hein, Oesson. Okay. Hein. Bon, Oesson avec La Réunion sur première. Hein, des fois, on dirait qu'il est à la fin, quasiment à la fin de sa vie. N'importe quoi. On va filer sur le marché. Avant cela, je salue. On salue. Oui. Saint-Jean et Jean Petit qui nous écoutent. Oui. Vous êtes les trois génial. Et puis, salut aussi à Jimmy qui vient d'Indre-et-Loire et qui nous écoute en ce moment. Exactement. De Notre-Dame Douai. Ça, même dans le 37, qui dit à nous. Et il embrasse toute la famille Charlemagne et Maillot de La Réunion. Mais il n'y a pas de souci. Il est 4h20 là-bas, du côté et de. Eh oui, il écoute à nous. Nostalgie, mes amis. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. À beau séjour, il y a le marché, il y a Prisca, c'est à vous. Je suis déjà dans le camion, ah avec là Jackie là. En fait. Ben non, ben attendez Isabelle, Jackie, vous savez, il a aménagé un, on va dire que c'est un food truck spécial galette. Ah chouette. Ouais. Bonjour. Bonjour. D'ailleurs, on salue tous ceux qui sont en direct sur la page Facebook de Réunion Première, parce qu'on est en train de vous montrer la recette de la galette faite par Jackie. Vous entendez le fouet derrière, là? Oui, ôté. Ah, c'est pas pour vous fouetter, hein, les amis. Ah, hein, bah, non. Alors, c'est pas fouetter la pâte. 50 nuances degrés, là. Ah, non, c'est pas dans 50 nuances degrés, là, Jackie. Hein. Là, on est bien au marché forain de beau séjour. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre pâte à galette? Bah, donc, il y a 8 œufs, là, pour cet exemple. Il y a 8 œufs, il va y avoir du lait, il y a de la farine, un petit peu d'extrait de vanille. Du sucre et un petit peu d'huile. Alors il y a Micheline, qui voudrait une crêpe au chocolat sur la page Facebook d'après son commentaire. Oui, et pour vous les amis, parce que vous êtes en train de faire des crêpes salées au jambon aussi, il y en aura. Il va y en avoir, mais ça ce sont des galettes. Oui. Donc là on change les proportions là. Ah d'accord. Ouais. C'est de l'eau et pour vous donner un ordre de Qu'est-ce qui fait la différence entre la pâte à galette et la pâte à crêpes? C'est de la farine de blé noir, la farine de sarrasin, alors que c'est de la farine de froment pour les crêpes. Pour cet exemple, là, il y avait 8 œufs pour les crêpes, il n'y en a qu'un pour les galettes. Un œuf seulement pour la pâte à galette. Ça sert de liant. Oui. En fait, ça ne va pas changer le goût, mais ça sert de liant. Il faut qu'il y ait un liant, parce que s'il n'y a que de la farine et de l'eau, ça ne va pas tenir. Ben donc on met un œuf. D'accord. Donc si vous avez envie de prendre le petit déjeuner sur le marché forain de beau séjour... Pour la petite histoire, l'histoire de la galette, en Normandie et en Bretagne, en Normandie, quand il y a eu les bombardements pendant la guerre, les boulangeries étaient rasées au même titre que les maisons. Et donc les gens, pour remplacer le pain, faisaient de la galette tous les jours. On m'en a rappelé quelque chose. Ouais. Merci. Merci pour la petite histoire et l'anecdote. Jackie. Alors après, Jackie, on va passer dire bonjour à Bertrand qui nous a préparé un smoothie banane, tangore. Et vous voyez tout ça en direct, hein. Vous voyez tout ça en direct sur Facebook. Ah oui, oui. Tout ça, c'est en direct d'ailleurs, hein, sur Facebook. Attendez, je cherche un endroit pour interviewer. Et ça commente. Et ça commente beaucoup. Bonjour. Ah, bah oui, ça commente beaucoup. Et puis, on a aussi les premiers clients. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Vous êtes en direct sur Réunion Première. Ça va bien? Vous avez craqué sur les tangores. Ah oui. Tu m'étonnes. Ah, ça, c'est vrai. Puis en plus, c'est délicieux comme la banane. Vous avez acheté de la banane aussi ou pas? Bien sûr. Alors c'est incroyable, si vous trouvez des bananes, il faut y aller parce que c'est rare en ce moment la banane. En ce moment, Bertrand, il vend 10 bananes pour 2 euros. De l'autre côté du marché, j'ai croisé Jean qui lui propose 14 bananes pour 2 euros. Ah ouais. Alors je fais le tour, parce que je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez, mais bon, ils sont bien barricadés là. Alors, bonjour Bertrand, comment il est? Bonjour, elle est là, de son discours. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait pour le smoothie là? Comment on le prépare, ce smoothie? Ah, ça me connaît pas. Ah bah attendez, vous nous avez donné la recette tout à l'heure, on prend une banane, des tangores. Il y en a de tout, on prend de tout. L'ananas. On fait un mélange. Et voilà. Et après on déguste. Et voilà. Avec une petite galette. Mmh. Voilà. On a de tout, les galettes d'hier, on a de tout ça. Oui. Ouais. Bon, la promo du jour, c'est vous. Fin, Ben, les ananas, 1 euro. 1 euro. 1 euro l'ananas. 1 euro le tas. Ah, 1 euro N. Pas le tas, hein. Allez, quand même. Prisca, un mot de passe pour le panier. Et ça sera smoothie. Smoothie. Ananas, tangore, banane. Si vous arrivez avec ce mot de passe, vous allez pouvoir repartir avec un panier de fruits offert par les bazardiers de beau séjour. Ah, ça c'est chouette. Et puis rendez-vous tout à l'heure pour la recette du jour et puis pour la séquence frisson. Aïe, aïe, aïe, ça va frissonner. Puis vous même pouvez... pas peur. Ouais, entre 9h et 10h, les gens des croyances sur Réunion Première. Merci Prisca, bisous. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et vous êtes à la ravine des Avirons et il faut faire attention puisqu'il y a de l'huile sur la chaussée au niveau de la ligne des bambous. En ce moment, ça se passe sur un tronçon de 300 lignes des bambous qui ont des concessions sur cette partie qui remonte vers le tampon. Attention, prudence sur cette route et puis l'accident pour être passé à hauteur. Donc ça se passe juste après la ravine du trou. Donc on a un poids lourd, le fourgon de la VRR. Ça se passe sur la bande d'arrêt d'urgence et deux véhicules utilitaires qui ont dû rouler très certainement sur les pneus, donc les débris des pneus, et quand vous roulez, ça peut faire mal. Donc les deux bas de calandre qui sont abîmés par choc notamment, qui a dû être arraché. Donc la circulation se fait normalement, vous passez à hauteur, les véhicules sont arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence, donc juste avant la tranchée couverte de Piton-Saint-Leu. Bouchon à hauteur de Plateau-Caillou en ce moment si vous circulez toujours en direction de Saint-Denis sur la partie de Saint-Paul, donc très très dense sur toute la route Ligue, soyez patient jusqu'au pont de la rivière des Galets. Route du littoral, ça se passe correctement avec un ralentissement simplement à hauteur de la caserne Lambert, et côté Est, entrée Est, ça se passe bien, ça coince à Saint-André en ce moment. Merci beaucoup Yves Gruyer, et si vous avez des informations routières, vous n'oubliez pas 99 2000 à votre disposition par SMS, le 06 92 70 2000, 6h30 sur la première. Cécile Thomas pour le journal. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Il comparaîtra pour meurtre. Gilles Alès avoue avoir simplement poussé sa victime, mais sa chute dans la rivière des Remparts a été fatale. La personnalité de l'agresseur reste à définir. Les carrières de nouveau dans l'actualité avec des enquêtes publiques et des consultations possibles des projets par les riverains. Zoom sur un projet de grande envergure à Saint-André avec Olivier de la Richaudie. Oubliez les recommandations pour une alimentation équilibrée. Les lycéens boudent la cantine. Ils se retrouvent souvent au camion-bar à midi. Reportage dans ce journal. Et puis les Abeilles de France protégées des pesticides, comment se portent ces petits insectes chez nous? Reportage à la fin de cette édition. Une dispute qui tourne au drame, c'était samedi soir à Saint-Joseph. Gilles Alès a poussé Idriss Rozanac dans le dos alors qu'il se trouvait au bord de la falaise de la rivière des Remparts. Un geste idiot, mais aux conséquences graves, la victime n'a pas survécu à sa chute. Hier, l'agresseur a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Difficile d'expliquer ce geste meurtrier, les deux hommes se connaissaient à peine, Sophie Persson. Comment Gilles Alaise en est-il arrivé au meurtre ? Son avocat devant le juge des libertés et de la détention le qualifie de frustre. Gilles Alaise reconnaît avoir poussé un peu sa victime, mais pas plus. Il n'explique pas son geste. Ce Saint-Paulois n'a pas de travail fixe, il est quasiment illettré et en guise de CV, il a un casier judiciaire long comme le bras. Conduite en état alcoolisé, conduite sans permis, vol avec violence, en tout 20 condamnations. Alors pourquoi est-il venu à Saint-Joseph ce jour-là? Pourquoi s'est-il disputé avec sa victime? Il semble que Idriss Rozanac lui avait pris sa sacoche, qu'on a retrouvée d'ailleurs près de son corps. Il y a eu un premier allez-pousser entre les deux hommes, mais c'est après que la situation a dérapé jusqu'au meurtre. Gilles Alaise dit qu'il ne savait pas que la falaise était aussi haute, mais il n'explique pas non plus pourquoi il a poussé dans le dos sa victime, alors qu'il ne se trouvait pas en position de légitime défense. L'expertise psychologique devrait permettre de mieux comprendre cette affaire. Sophie perd son justice toujours avec cette autre affaire, celle du chauffeur de bus qui conduisait en zigzagant avec une bière à la main. Les faits remontent à début juillet à Saint-Denis. Le chauffeur de Citalis avait été mis à pied et placé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue. Il comparaîtra cet après-midi au tribunal correctionnel de Champfleury. Les carrières font leur trou, il faut trouver 20 millions de tonnes de roches massives pour les digues de la nouvelle route du littoral. À Saint-Leu, à Saint-André, il existe des projets de carrières importantes. C'est le cas à Mancieul-l'Hermitage dans les Hauts-de-Saint-André. Depuis hier et jusqu'au 22 septembre, les Saint-Andréens et les habitants des communes limitrophes peuvent consulter le projet. Le dossier du projet en mairie, 30 hectares, c'est plus grand que le site retenu à Dioré. L'exploitation est prévue dans le meilleur des cas pour septembre 2017 car il reste quelques heures obstacle à passer pour voir se réaliser le projet Olivier de la Richaudie. Parmi les premiers freins à lever, ceux posés par l'autorité environnementale, elle exige par exemple des garanties de préservation du captage de bras de mousseline, source d'eau potable, des garanties également sur la sauvegarde de certaines espèces implantées sur site, comme le merle pays ou le gecko vert de la Réunion. Outre la question du préjudice environnemental, celle des nuisances, avec des habitations situées à quelques centaines de mètres, le niveau de pollution sonore résultant des tirs de mines devrait être déterminé avec précision. Il faudra aussi trouver une solution pour la circulation des quelques 300 camions attendus chaque jour dans les chemins parfois étroits qui serpentent entre les zones résidentielles. Une rocade par Sainte-Suzanne est bien envisagée avec la création d'une bretelle de sortie vers la partie haute de quartier français. Mais pour l'instant, rien n'est acté. Reste à savoir si Maurice Gironcel, maire de la commune et adversaire politique, se laissera séduire par cette mesure de compensation. Et cette décision ferme de Didier Robert, le président de la région, ne consultera pas les Réunionnais sur le sujet des carrières. Il a justifié l'abandon de cette promesse de campagne hier soir lors de l'émission Devant la Réunion. Nous en avons assez aujourd'hui, encore une fois, de consultations et de sondages. Donc vous, chacun, vous n'organiserez les uns et les autres, pas, vous, les uns et les autres à l'échelle s'étonner. De la région Il y a une enquête publique qui est ouverte. Moi, j'attends, effectivement, et j'invite l'ensemble des Réunionnais, ceux qui y ont, encore une fois, à s'exprimer, qu'ils habitent à proximité immédiate de ce projet de carrière ou ailleurs, à dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent pour la Réunion. Et je le dis encore une fois, la dimension d'intérêt général, la question du développement de notre île, la question de la réalisation d'un certain nombre de grands chantiers, comme sur la nouvelle route du littoral, mais pas simplement, le transport en commun en site propre, les aéroports, le port, la question de l'emploi, qui doit aussi être au cœur de la réflexion que nous devons avoir les uns et les autres, tous ces éléments-là doivent être pris en considération. Didier Robert interrogé par Gaël Le Dantec et à propos des futures échéances électorales, Didier Robert a confirmé qu'il ne se représenterait pas aux élections sénatoriales et qu'il soutenait la candidature de François Fillon à la primaire à droite pour l'élection présidentielle. L'intégralité de l'interview est à retrouver sur le site internet de la première. 6h36 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Avis aux élèves qui partent pour une longue journée en classe au petit déjeuner, vous êtes plutôt café tartine ou riz chauffé? Au déjeuner, cantine ou sandwich? Il semble qu'arrivé au lycée, la cantine perde des points face au snack bar. On est loin des 5 fruits et légumes prônés pour équilibrer notre alimentation. Vous allez l'entendre, les élèves du lycée Georges Brassens de Saint-Denis ont d'autres habitudes. Amy Faconnier. Si certains vont dévaliser les rayons sucreries de la station-service à quelques pas du lycée, d'autres comme Fabien, 17 ans, s'arrêtent au comptoir du petit camion snack bar installé juste en face de l'établissement. Tous les matins, le jeune homme s'offre un sandwich avant d'entrer en classe. Bon, chez moi, mais je mange un américain, histoire de débuter la journée. Et des élèves comme Fabien, Didier Hacquet, le gérant du snack, envoie passer des dizaines tous les matins. Mais le plus surprenant, c'est à l'heure du déjeuner. même quand ils mangent à la cantine, ils viendront prendre du pain. Les parents, ils payent la cantine, mais ils veulent manger du pain quand même. Ils aiment bien les Américains au poulet, les Américains au bouchon, des trucs comme ça. Morgane, 17 ans, est demi-pensionnaire, ce qui veut dire que ses parents payent des repas à la cantine, mais la jeune fille préfère manger au snack tous les midis. Ça les dérange pas, c'est eux-mêmes qui nous donnent l'argent pour acheter à manger au snack bar. Et bon, on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais nous, on aime bien. C'est difficile de perdre nos habitudes et c'est des bons repas. La majorité des élèves du lycée mangent à l'extérieur de l'établissement. Seulement 440 élèves sont pour l'instant inscrits à la cantine sur 1200. Salimata Delapère, responsable adjointe de l'administration. C'est des élèves qui préfèrent manger à l'extérieur par rapport aux amis, par rapport à ce qu'ils veulent manger. Ils préfèrent les sandwichs alors qu'on a un menu complet chez nous. Un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter. Bon appétit, si vous en êtes justement au petit déjeuner. Le rush pour acheter les effets scolaires n'est pas passé. Les élèves continuent de recevoir des instructions des professeurs pour s'équiper en cahiers et autres fournitures. Les rayons des supermarchés se sont considérablement vidés. Souvent, il faut se retourner vers des magasins spécialisés. Thierry Rouquette est le directeur d'une grande librairie papeterie à Saint-Pierre. Les grandes surfaces, notamment, n'ont pas tous les produits que nous pouvons avoir ici, puisqu'on effectivement on est spécialiste en papeterie. Donc, effectivement, les personnes qui ont peut-être trouvé des articles ailleurs ont souvent besoin de compléter leur liste chez nous. Nous proposons de la papeterie et également des livres scolaires. Donc, en venant chez nous, ils font d'une paire de coups, ils achètent des livres et de la papeterie. On anticipe toujours, effectivement, les listes de lectures suivies. Nous commandons les classiques. Je crois que le service que nous apportons est un service qui est apprécié par nos clients. Des propos recueillis par Pierre Komorasamy. La nouvelle était attendue. Les députés ont décidé d'interdire l'utilisation des pesticides tueurs d'abeilles. Ces molécules sont nocives pour les mouches à miel et autres insectes pollinisateurs. L'article 51 du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été adopté en juin dernier. Et cette interdiction prendra effet au 1er septembre 2018. Ce produit nocif est rarement utilisé à La Réunion, mais cela ne veut pas dire pour autant que la filière apicole se porte bien. Priscilla Etève s'est rendue dans l'exploitation de la famille Fontaine au Tampon. Autour et dans les ruches des Fontaines, les abeilles dansent et butinent toute la journée, mais malgré leurs efforts, il est de plus en plus difficile de produire. Aujourd'hui, avec 800 ruches, Étienne Fontaine et son père font autant qu'il y a quelques années avec 300, soit entre 10 et 15 tonnes de miel par an. Cette diminution des ressources est due à plusieurs facteurs. L'urbanisation, l'épisode chikungunya, au niveau de la démoustication, qui a fait que les populations d'abeilles ont diminué aussi fortement. Sinon, un cyclone aussi, suivant les années, la production ayant aussi. Mais ce qui rassure cet apiculteur de bras creux, c'est le bon état sanitaire des abeilles réunionnaises. L'impact niveau pesticides et phytosanitaires sur les abeilles ici à La Réunion, on va dire, est un peu moindre qu'en métropole. Parce qu'ici à La Réunion, on n'a pas beaucoup de grandes cultures, de monocultures que les abeilles butinent. Mais elle n'est pas à l'abri d'un couac. Hein. Notamment des néonicotinoïdes, ces molécules très nocives pour les insectes pollinisateurs. Quand l'abeille va butiner une plante qui a cette molécule-là à l'intérieur, la butineuse va être désorientée, c'est-à-dire qu'elle va plus retrouver sa ruche. La ruche est plus approvisionnée en ressources, et la ruche, après, elle crève. Et avec la disparition des abeilles, pilier de la biodiversité selon Étienne Fontaine, notre assiette diminuerait aussi d'un tiers, car ces mouches à miel pollinisent plus d'un tiers de notre alimentation. C'était un reportage de Priscilla et Thève. Merci Cécile, à tout à l'heure, 7h30, puis juste avant, ça sera Florent Marot qui reviendra à 7h pour le journal. 6h40 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. 37 degrés à Bordeaux, 15 à Saint-Denis de la Réunion. Ouais, c'est la canicule en métropole. Il fera aussi 37 à Paris donc jeudi. Mais d'ici là, eh bien, nous, on va s'intéresser surtout au temps qui a lieu sur la Réunion avec belle journée. Très belle journée. Bah oui, faut dire les choses. Qui est prévue, le ciel est bleu derrière nous et les températures, eh bien sûr, vont grimper, mais un peu moins, effectivement, qu'en métropole. On aura de 23 à 26 degrés sur la côte, 12 degrés à Volcan, 14 à la Plaine des Cafres et 21 degrés à Silla. Ainsi qu'au Tampon, des nuages qui vont s'imposer quand même cet après-midi sur l'ouest et le sud. Mais enfin, l'impression de beau temps va dominer sur l'île de la Réunion. Donc profitez-en bien d'ailleurs pour aujourd'hui. Et pour les prochains jours, Mickaël, toujours ce beau temps ou bien il casse un peu? Toujours avec ce petit vent faible sur le nord et le sud, hein, 40-50 km/h tout au plus. Une mer quand même qui est plutôt agitée, mais qui va donc être un peu moins houleuse pour mercredi, jeudi et notamment la journée. De, de jeudi, mais c'est vrai que le temps sera beau encore mercredi, jeudi, vendredi. Ça devrait changer pour le week-end, avec un temps plus mitigé et peut-être un coup de froid sur La Réunion, un dernier coup de froid, on l'espère en tout cas. Ouais. Un dernier barreau d'honneur de l'hiver, enfin l'hiver continue. Hein. Bon, d'accord. Bon. Ok, les bons. Ah oui. Les bons. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Direction la rivière Saint-Étienne avec vous, Yves Gruyer. Pas un nuage à l'horizon, un panorama vraiment magnifique ce matin. La circulation correcte, attention aux tracteurs nombreux, toujours entre le Gol Saint-Pierre et aux véhicules également, pas des cachalots, mais plutôt des petits camions qu'on ne voit que dans cette région, des camions d'un âge canonique qui circulent ici. On parle plus de charrette bœuf, il y en a vraiment sorti vraiment de façon épisodique, mais donc attention à ces véhicules un peu plus lents que les autres, c'est pour ça qu'il faut être vigilant et anticiper vos dépassements. La circulation correcte ici entre Saint-Louis et Saint-Pierre. Et puis attention donc à la présence toujours de ces véhicules arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence à hauteur de après la ravine du trou, hein, donc avec ce polo qui a éclaté ses pneus, les deux véhicules touchés ensuite. La circulation qui se fait avec le bouchon toujours à hauteur de Plateau Caillou, pas de changement pour la partie de Saint-Paul, ça coince sous le tunnel du Cap Bernard à l'entrée ouest. C'est plutôt correct encore sur le boulevard sud et une entrée est roulante, mais après le plateau de la Mare, puisque c'est très dense avant, c'est quasiment à l'arrêt du côté de la marine de Sainte-Suzanne en ce moment. Voilà, très bonne route avec la première. Merci beaucoup Yves Gruyer, rendez-vous avant 7h. Mais il est 6h43 dans toute la réunion. Tout à l'heure, je disais que Cécile nous rejoindrait à 7h30, elle nous rejoindrait bien plus tôt que ça puisque nous aurons les unes de la presse à exactement 6h50. Et avant 7h, lui on s'est dit que c'était la rentrée universitaire. C'est ça. Cette semaine. À la réunion, à la mais réunion, pas seulement. Mais il faut savoir que les Réunionnais s'exportent aussi. Ah oui. Vont dans différents pays, ils vont faire des stages, dans... vont travailler, ouais, vont faire des études linguistiques. Mm-hmm. Et bien tout à l'heure, on ira dans un pays peu commun pour les Réunionnais. Ah ben loin. On parle souvent du Canada, on parle souvent de l'Australie ou de l'Angleterre ou de la métropole. Mm-hmm. Et bien cette fois-ci, on ira au Mexique. Au Mexique. Et on ira trouver un créole là-bas. Y rejoindre Méhan. Voilà. Et bien figurez-vous qu'il y en a plus que vous le pensez. C'est vrai. Au Mexique, on verra ça tout à l'heure avec Méhan qui est jeune étudiante là-bas, elle fait un stage. Mm-hmm. Vous en saurez plus dès 6h53 environ pour donc l'appel réveil. Eh ben voilà, ce sera donc avant 7h. On s'intéresse au à notre manger. Eh oui. Bah oui, il a décidé d'ouvrir la marmite aujourd'hui. Et il manque un truc. C'est vrai ? Il manque un truc qu'on n'a pas forcément à La Réunion. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'on a toujours dans notre assiette, en finalement, fait. Finalement, c'est bizarre, vrai. Ça. Hein. Et ça fait tilter le litchi. Voilà, c'est les embroquels quotidiens sur la première. Quelle est la base de tous les plats créoles ? M'imagine que la plupart d'entre eux, ça répond à moins, ben de rioté. Zati Roma, que les affaires que Zati considère comme la base de notre cuisine, ils poussent pas La Réunion. Nounena, patate, manioc, conflore, mais la base nous donne place à un aliment qui pousse pas sur l'île et que nous l'est obligé importer. C'est un affaire là toujours tracasse à moins. Le jour un terroriste 974 irote fait un attentat sur l'île, il suffit d'y détruire le banc de usine et importe de riz La Réunion. L'impact sur la société sera plus important qu'une attaque à la bombe. Cosa nous a mangé, mama, et c'est l'apocalypse, l'apocalypse! Banana conflore chez tonton, nous peut manger ça? Quoi? Ou tête n'est pas bon? Ou veut m'y manger cochon? Ouais, ben nous l'est pas sauvé. Attends, je viens pas de donner une idée d'attaque terroriste au potentiel djihadiste la cour, là? M'y risque d'être fiché S par le gouvernement pour une affaire pareille, non? Revenons au sujet. Mama et Zati trompe azote. Le riz n'est pas la base des plats de La Réunion. La vraie base de notre cuisine, c'est de l'huile. À en croire les 6 bouteilles que Nana a à côté de la plaque à cuisine chez Mémé, l'huile, c'est les affaires essentielles de notre cuisine. On retrouve allié en quantité d'à peu près tout ben plat. Pour votre santé de réunionnais, consommez au moins une bouteille d'huile de tournesol par jour. Et les spécialistes pourvus d'une quantité de l'huile dans le carry La Réunion, c'est ben vendeur de barquettes. Poussette ce midi, ça cherche un carry pour manger, je vous invite à admirer votre viande au soleil. Le affaires est tellement brillant qu'il faut mettre lunettes l'éclipse pour pas faire mal aux yeux quand on regarde. Du coup, ma pose la question, mémé, pourquoi Bana y mettent autant d'huile dans un ben plat? Ben mon enfant, comme ça le carry il glisse facilement dans le gosier, on n'a pas le temps de sentir si le goût est bon ou pas, ou la fine avalée. Ah, c'est ça la technique le ben vendeur barquette pour cacher à nous le goût de ben produit, il rajoute de l'huile. Mais les graves, mémé, il faut nous informer la population. Mais non, mon enfant, peut-être les pas bon? Pourquoi? Ou ça pas dévoile le ben secret ben vendeur barquette chez radio? Si ça se trouve, ça t'y forme un espèce de mafia plus dangereux que l'État islamique, ça fait un attentat dessus avec un marmite dynamité parce que ça casse notre business. Ah oui, mémé, on a peut-être raison en fait. Vaut mieux laisser de mou de continuer à manger de ben barquette avec trop de l'huile. Après tout, comme disait une grande philosophe française, j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs, même si j'ai mes artères bouchées.

Ça ouais, va. Bah oui, ça fonctionne bien. Ça devrait son aller album pour lui, Cosmopolitanie, alors. Notamment. Qui a bien marché la saison dernière. Allez, c'est les unes de la presse, 6h51 avec Cécile. Et en une du quotidien, une image que l'on ne voit pas souvent, Cécile. Oui, à part dans les séries type Les Experts et encore, on voit bien sur la photo qu'on est loin de la fiction. Le quotidien nous emmène ce matin dans les coulisses de l'autopsie. Sans autopsie, la justice passe-t-elle à côté de certains crimes ? Et l'on voit trois médecins penchés sur un sac blanc dans lequel se trouve un corps. Autre titre, à Madagascar, une retraitée blessée par balle échappe à ses agresseurs. Au port, les palangriers chinois rachetés et transformés. La rubrique 40 ans avec le quotidien aujourd'hui, 1995, Beaufont, une page se tourne. Retour sur la fermeture de l'usine sucrière de Saint-Benoît. Et puis les JO, une médaille et de bonnes perfs pour les Réunionnais. La fièvre afteuse à Maurice en une du journal de Lille. Une vraie menace pour la Réunion, titre le GIR. Même si le virus n'a pas été détecté sur l'île, les autorités déclenchent déjà la vigilance maximale avec ces mots que l'on peut lire en une. Ne ramenez pas la fièvre afteuse dans vos bagages. Il est donc interdit de ramener notamment de la viande, du lait, des peaux d'animaux de Maurice et de Rodrigue. Autre titre, meurtre à l'île Sainte-Marie à Madagascar, l'hypothèse du viol privilégié. Rentrée sociale, des suppressions de postes attendues dans les télécoms et les banques. Présidentielle, Sarkozy annonce sa candidature. Et puis JO de Rio, record de médailles pour la France et le bilan des sportifs réunionnais. Dans la presse nationale, un visage revient partout, sauf en une de l'équipe. Et c'est celui de Nicolas Sarkozy. En une d'aujourd'hui en France notamment, Sarkozy candidat. L'ancien président de la République a officialisé sa candidature à la primaire des Républicains dans un livre intitulé « Tout pour la France » à paraître demain. Autre titre, à Madagascar, émotion après le meurtre de Magali et Romain. Nicolas Sarkozy, tout sourire en une du Figaro. Sarkozy candidat sous le signe de l'identité française, titre le journal. L'ancien chef de l'État officialise son entrée en campagne dans un livre dans lequel il dévoile son projet. Autre titre, les touristes étrangers moins nombreux en France depuis 6 mois. En une du journal Le Monde, une enquête dans les secrets de l'Élysée. Le Monde publie des documents clés du quinquennat de François Hollande. Premier volet, comment le chef de l'État a imposé la loi travail par Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Cette enquête comptera 6 volets, annonce Le Monde. Autre titre, Sarkozy entre en campagne sur l'identité et l'islam. Face au risque terroriste, l'ancien chef de l'État veut axer sa campagne sur les thèmes de la sécurité, de l'identité, de l'immigration et de la laïcité. Allez, petite devinette, qui est en photo en une de Libération ? Nicolas Sarkozy. Voilà, gagné. Nicolas Sarkozy, le pire, c'est qu'il peut gagner, titre Libé, en surfant sur les vagues sécuritaires et identitaires et en saturant l'espace médiatique. L'ancien président, qui s'est enfin officiellement déclaré candidat, compte bien remporter la primaire à droite et la présidentielle. Et donc il n'est pas en une de l'équipe. Nicolas Sarkozy n'est pas voilà. En une de l'équipe ce matin. Après les JO, c'est la Ligue 1 qui revient en une du quotidien sportif. Marseille, le grand bazar, titre l'équipe. La vente de l'OM tourne au Vaudeville. Oh. Margarita Louis-Dreyfus a démenti hier un rachat du club, alors qu'un repreneur potentiel avance le retour de Marcelo Bielsa et un recrutement pléthorique. Et on fout toujours. En Ligue des Champions, Monaco, Villarreal, c'est ce soir. L'Europe en point de mire, victorieux du barrage aller 2-1. L'ASM entend valider sa qualification pour accompagner le PSG et l'OL en phase de groupe. Oui, pendant ce temps-là, l'OM vit un joyeux bazar. Ouais. Ils ont recruté Nicolas Sarkozy. Eh bien non. Ah bah non. Non. Il est partout, mais pas là. Hein. Bon, quand même. Merci si, Cécile. C'est l'heure de l'appel réveil, oui, Mickaël. C'est la rentrée universitaire un peu partout, à La Réunion. Les AES, tout à l'heure on l'entendait dans le journal, sont exactement, rentrées hier. Exactement, oui. Et la rentrée, ça se fait aussi un peu partout dans le monde. Pour nos petits expatriés réunionnais, oui. Qui sont partis au Canada, en Australie, en métropole, mais aussi au Mexique. Eh ouais. Oui. Ouais, alors ça, c'est assez insolite. Au Mexique, effectivement, on a des étudiants réunionnais. On en a une notamment qui est avec nous ce matin. On la réveille pas vraiment. Parce qu'il est 21h55 là-bas au Mexique et on est encore le 22 août. D'accord, on est hier encore. Oui. Ok, d'accord. Bonjour Méhane. Bonjour Méhane. Bonjour. Oui, on a un jour de décalage avec vous en fait, hein, quasiment. Ouais, 9h. Ça, une demi-journée. 9h, un petit peu moins de 9h de décalage. C'est ça, c'est ça. Alors ça fait un mois et demi que. On va tutoyer, hein, Méhane. Que t'es au Mexique. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Voilà, t'es au Mexique depuis un mois et demi. Et tu y fais un stage là-bas, donc par rapport à ton école de commerce. Oui, c'est ça. Alors en fait, je suis étudiante en école de commerce à Bordeaux. Ouais. Et comme j'ai été une bonne élève, j'ai eu le droit de partir en césure là où je voulais. Mm-hmm. Et j'ai choisi le Mexique. Alors pourquoi le Mexique, Méane? Pourquoi le Mexique? En fait, j'y étais il y a 3 ans pour un stage. D'accord. Et j'ai adoré, et je me suis dit pourquoi pas y retourner. Pourquoi la première fois aussi? Alors en fait, c'est une longue histoire. C'est un peu la Réunion, mais en plus grand. Oui. Oui, donc finalement, t'es pas dépaysé là-bas? Pas tellement, non, ça va. Ouais. Alors, le Mexique, tu es où actuellement, là? Je suis à Mexico City. À Mexico City. Donc, on est actuellement à 6h57 à La Réunion, 21h57 au Mexique, à Mexico, là, en direct de Mexico City. Voilà ce qu'on peut faire dans Grand Matin. C'est génial, le téléphone. Eh oui, oui, c'est bien la magie du téléphone. Donc, la principale contrainte là-bas au Mexique pour toi, depuis que tu es arrivé, parce que c'est peut-être La Réunion en plus grand, mais il y a des choses qui doivent changer. En beaucoup plus grand. Ouais. On va dire qu'au début, c'est la langue, un peu la barrière, parce que, bon, voilà, on a des bases, on sait plus ou moins parler, mais une fois confronté à la réalité de la langue, il faut bien se débrouiller. Donc, au début, on a un peu de mal, mais allez, on va dire 2-3 semaines immergées dans le bain, on parle couramment espagnol. Ok, ouais. C'était la première contrainte. Après, il y a une autre contrainte. Ça fait un mois et demi que je suis là et c'est toujours pas réglé. On va dire que c'est des petits problèmes d'estomac, la nourriture. Aïe, aïe, aïe. Qui n'est pas tout à fait pareil. Mais elle est épicée comme ici, la nourriture au Mexique, non? On va dire un peu plus. C'est-à-dire que quand je mange le piment, c'est pas le même piment qu'à Brie. C'est-à-dire que c'est vrai, il chauffe. Et aïe, aïe, aïe. Le piment qui poique, vraiment. Le piment, il poique. Poids dur. Ouais, vraiment. C'est ça. Alors, depuis que tu es au Mexique, dans cette banque d'affaires que tu as démarré il y a un mois et demi, tu as rencontré d'autres réunionnais là-bas. Tu es même venu avec une réunionnaise aussi au Mexique. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, je ne suis pas toute seule. On est plusieurs. Enfin, j'en connaissais déjà deux il y a 3 ans. Ils travaillent ici. Ils sont en couple avec des Mexicains. Mmh. Ok. Ah oui, en plus. Bon. Voilà. Et puis, oui, je suis venue avec une copine d'enfance de la Réunion en stage ici. Ok, bah lui, on l'utile à l'agréable, tant qu'à faire. Hein. Mais Anne, tu es en couple avec un Mexicain, toi aussi, non? Pas encore. Eh ben, on te le souhaite, Méane. Et on te dit bonne chance. On te fait un gros bisou de la Réunion, en tout cas. Tes parents ont merci, peut-être... gros bisous à vous. Tes parents t'ont peut-être entendu, d'ailleurs. On salue ta famille. Je pense. Et ça des nous a, bisous à eux. Ça nous a fait plaisir. Bisous, Méane. Bisous, bisous. À bientôt, Méane. Bye bye. On rejoint Yves Gruyer au niveau de l'hôpital de Terre-Sainte. Oui, ça roule, c'est le moment où il faut en profiter, là, jusqu'à 7h15, ça se passe à peu près bien, que ce soit à traverser de Terre-Sainte, l'avenue François Mitterrand, et puis également tout le boulevard Hubert de Lille, enfin refait complètement, donc ça y est, les travaux sont terminés, on a réalisé les travaux du giratoire également avec la rue du Clorion, donc ça se passe bien pour traverser le boulevard Hubert de Lille, mais il y a quand même des contraintes en journée, notamment un gros embouteillage. Voilà, la circulation correcte au niveau des échangeurs de Saint-Pierre. N'oubliez pas qu'à partir de 8h30, les coupures de circulation de 45 minutes sont au programme. C'est indiqué sur les panneaux à messages variables. Donc au niveau de la route de Sillaos, il est Alcide plus particulièrement. Travaux de sécurisation comme hier jusqu'à 17h. Soyez patients. Embouteillage, alors bien avant l'échangeur de Plateau Caillou maintenant, donc après le tunnel du Cap Laoussé, ça coince virage du gouffre sur la route du littoral, avec un peu plus de monde sur le boulevard sud, notamment les tranchées, et puis une entrée est qui commence à ralentir doucement au niveau de l'échangeur du Chaudron, et ça coince surtout en venant du parc et depuis le quartier français. Merci beaucoup Yves Gruyer, 7h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Il vient d'être mis en examen pour meurtre. Gilles Alaise a tué samedi Idriss Rozenak. Il l'a poussé du haut de la rivière des Remparts à Saint-Joseph. Le meurtrier a reconnu les faits. Les deux hommes étaient alcoolisés. Qui n'est jamais allé en catastrophe acheter un cahier ou un stylo oublié sur la liste de rentrée? Chaque année, c'est la même chose. Les magasins spécialisés sont pris d'assaut quelques jours après le retour en classe. Reportage à suivre.

centimes d'euros à produire et n'est acheté que 25 à 27 centimes. Une mobilisation organisée pour durer. Des éleveurs bretons sont attendus dès ce mardi pour la relève. La note chez le primeur ou au marché vous a semblé salée cet été, c'est normal. Les prix des fruits et légumes ont battu des records. Plus 36% pour la fraise par exemple, plus 37% pour les pommes de terre par rapport à l'an dernier. Tous ont augmenté sauf les tomates et les carottes. C'est le résultat du baromètre annuel de Famille Rurale à lire ce matin dans les colonnes du quotidien La Croix. Les mauvaises conditions météo sont en partie responsables de cette forte hausse. Les messageries cryptées du type Telegram dans le viseur de la France et de l'Allemagne, ce moyen de communication très utilisé par les réseaux djihadistes, donne du fil à retordre aux agences de renseignement. Pour tenter de trouver une solution et percer ces moyens d'échange chiffrés, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et son homologue allemand Thomas de Maizière ont rendez-vous ce mardi à Paris. Ils envisagent une action commune pour faciliter le traitement de ces données. Le sud-ouest menacé par d'éventuels incendies, la sécheresse et les fortes chaleurs attendues ont poussé la préfecture de Gironde à prendre des mesures. Elle a placé le département en vigilance orange au risque de feux de forêt. Les activités dans les bois sont interdites entre 14h et 22h. Retour triomphal de Rio pour la délégation tricolore. Les Bleus, qui ont laissé durer le plaisir au Brésil, sont attendus dans la matinée à l'aéroport de Roissy. Les bagages un peu plus lourds de 42 médailles olympiques. Le judoka Teddy Riner ou encore le couple de boxeurs en or Estelle Mosselli et Tony Yoka seront reçus à l'Elysée en fin de journée. Les footballeurs monégasques sur le terrain ce soir, ils vont tenter d'assurer leur qualification pour la Ligue des Champions. Match retour des hommes du Rocher face à Villarreal. À l'aller, ils s'étaient imposés 2-1 en Espagne. Ballotage favorable donc pour Monaco qui pourrait ainsi rejoindre le PSG et Lyon pour la plus prestigieuse des coupes européennes. 7h13 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Du ciel bleu pour tous. Ah oui, pour tous, vraiment. Grand plaisir ce matin à voir ce ciel derrière nous avec des températures fraîches, certes, à peine 6 degrés à Plaine des Cafres, 2 petits degrés au volcan. Il en fait quand même pratiquement 20 au port. Le port qui garde toujours ses conditions un petit peu plus douces. Le soleil va s'imposer sur la plupart des régions du département. Alors c'est vrai que sur l'ouest et le sud, on doit avoir un peu plus de nuages cet après-midi, mais enfin, globalement, l'impression de beau temps va dominer avec un petit vent qui va bercer les côtes nord et sud, 40-50 km/h tout au plus, et les températures qui vont grimper, 12 au volcan, 14 à la Plaine des Cafres, 21 à Sillaos, c'est au tampon, et jusqu'à 26 degrés à Saint-Gilles. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou, cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Yves Gruyer, vous êtes à la petite île. Oui, avec des ralentissements, attention, avec la rentrée, avec la campagne sucrière, c'est de nouveau compliqué. Donc au niveau de Petite-Île, surtout la RN2, donc depuis la croisée, donc pour redescendre jusqu'à Grand-Anse dans un premier temps, et après vous subissez le passage et la descente des tracteurs jusqu'à l'usine, l'ancienne usine de Grand Bois pour donc déposer les cannes et ensuite qui sont transportées par les cachalots. Ben, donc soyez patients bien entendu au niveau de cette partie basse RN2 ici sous le soleil. Des travaux, quelques travaux déjà ont repris en dessous de la mairie, puisqu'après les travaux d'enrobé qui se sont déroulés hier soir, qui vont se poursuivre encore ce soir et demain soir à hauteur de la mairie, à hôtel de ville, il a l'abandonné, donc attention à ces contraintes. Il y a un itinéraire de délestage au programme de nuit si vous voulez éviter la zone de travaux sur cette route départementale 31. Voilà, circulation, donc attention avec toujours des ralentissements autour du tunnel du Cap Laoussé pour la fin de la route des Tamarins, et puis surtout route littorale, c'est juste après le virage de Ravine à Malheur, donc que démarrent les ralentissements. Il y a quelques zones roulantes bien entendu, comme d'habitude, ça coince sur le pont Vincennes les tranchées, et puis ça y est, l'entrée est un peu plus en difficulté, notamment au niveau de la ligne droite de la Jamaïque. Soyez patients depuis Sainte-Suzanne. Merci Yves. À suivre à 7h15, l'invité de Grand Matin, tout de suite. Réunion Première, la plus grande couverture FM de Lille. À Saint-Joseph, 87.8. Le Port, 91. Saint-Benoît, 106.7. Saint-Denis, 89.2. Merci de votre fidélité et retrouvez la liste des fréquences sur notre site internet réunion.lapremière.fr. Première. Première. Première. Et vous nous suivez en ce moment sur Réunion Première Radio et Internet avec les webcams qui sont branchés. Vous pouvez nous voir en vidéo d'ailleurs sur réunion.lapremière.fr. C'est l'invité de Grand Matin avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. J'ai bien compris, il faut sourire, nous sommes filmés. Oui, c'est important, regardez, la caméra est juste devant. Bonjour. Vous recevez ce matin Monique Catala, présidente du CROSS, Comité Régional Olympique et Sportif. Bon, Monique Catala, bonjour. Bonjour. Les Jeux de Rio sont terminés, c'est le moment de faire le bilan vu de la Réunion. Globalement, comment vous les avez trouvés, ces JO? Si au départ nous avons eu peur, on ne peut être que satisfait quand même à la fin des Jeux de la prestation de nos Français, de nos sportifs. Je pense qu'ils ont vécu une aventure magnifique. Et je leur lève le chapeau parce que quand on sait ce que demande la préparation pour des Jeux, on peut être qu'admiratif devant leur performance. Vous dites qu'on avait peur au départ. Peur de quoi? Au départ, ce n'était pas très bien parti. On se disait, où sont nos performeurs? On ne les a pas. Ils n'étaient peut-être pas encore dans le bain, pas assez chaud. Pas dans le bain. Vous parlez de la natation notamment? C'est pour ça? Vite fait, on va oublier la natation pour pour ces Jeux. Je pense qu'ils vont se rattraper, mais il y a un bilan à tirer quand même. Je pense qu'ils vont le tirer eux-mêmes, le bilan. Hein. Ils vont faire une étude approfondie de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont fait. Mais quand même, les athlètes, je les plains beaucoup parce que ils se sont donnés pendant 4 ans. Hein. Et c'est vrai que quand on se donne pendant 4 ans et que sur 50 mètres on perd une médaille, disons que pour quelques secondes, ça doit être dur à vivre. Alors vous parlez surtout des Français, mais globalement, il y a eu beaucoup d'images très fortes pendant cette quinzaine. Lesquelles vous retiendrez? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est d'abord, il ne faut pas que j'oublie, mon sport de prédilection est le rugby. Est-ce qu'il a réussi son intégration à Rio? Mais écoutez, pour sa première édition, je trouvais que c'était pas mal. Maintenant, il faut qu'elles se mettent dans le bain, aussi bien les filles que les garçons. Sans oublier quand même que Fanny Horta a commencé le rugby à Saint-Benoît. Ses parents étaient là, donc elle a découvert le rugby pendant 3 ans à Saint-Benoît. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, elle est capitaine de l'équipe de France à 7. Donc, l'Est, hein, il faut quand même le souligner. Et là, même si on l'oublie souvent. Alors, vous parlez du rugby parce que vous avez été vous-même présidente du comité de rugby de la Réunion dans les années 80. Vous avez baigné dans ce milieu depuis longtemps. C'est le rugby à 7. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer avoir le rugby à 15? Pense qu'au JO, il y avait déjà le rugby à 15 au JO il y a très longtemps. Qui sait, peut-être. Mais enfin, je pense que le rugby à 7... pour le spectacle, est beaucoup plus agréable, beaucoup plus... ça court, ça... C'est plus compréhensible, peut-être, c'est moins compliqué que le rugby à 15. Donc, au niveau spectateur, etc., je vois même ici, à La Réunion, le rugby à 7 commence à bien prendre, comme le rugby à 5. Disons que c'est plus ludique, parce que déjà, quand on parle de rugby... Alors, vous ne vouliez pas oublier le rugby, voilà, c'est fait. Non, on pour le reste, quelles images fortes? L'image forte, c'est ce qui m'a choqué. Je commencerai par ça, c'est le public. Moi, j'ai rarement vu, pour un sport individuel surtout, hein, en sport collectif... Parler d'athlétisme. Ça se passe souvent hein, dans les tribunes. On râle après l'arbitre, on râle après tout le monde. Mais là, se faire huer au moment... De faire un saut ou un truc comme ça, j'ai trouvé ça très dur. Faites allusion à Renaud Lavillenie dans le concours de saut à la perche. Voilà, peut-être que lui a été aussi, mais je pense que dans la déception, il a dû dire des choses qu'il doit regretter encore. Mais je le comprends quand même un petit peu. Quand on est sportif, quand on est sur les bords des terrains, quand on vit ça, quand même, quand on se prépare pendant 4 ans, et qu'on a cet accueil, je pense que ça doit être dur à vivre aussi. Sur ce sujet, Daniel Sangouma, qui était à votre micro vendredi dernier, disait « il faut savoir s'adapter ». C'est pas bien de siffler, mais il faut que l'athlète soit préparé. Voilà. Ça veut dire que les Français ne sont pas préparés mais à ça. Mais il faut reconnaître que peut-être que c'est une... Mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça, donc peut-être qu'ils ne se sont pas penchés sur la question avant et ils que maintenant, pas. Ils ne s'y attendaient pas. Et je pense que ça va être... Là, maintenant, ils vont en tenir compte. Image choquante, image positive maintenant ? Alors, image positive, j'en ai plein. C'est notre Français qui a fini quatrième. C'est quoi les 5000 ? Dans quel sport ? Athlétisme toujours. Qui finit à l'hosto d'ailleurs. Yann Denise. Voilà. Alors, il est fini huitième. Oui, hein, oui, pardon. Sept ou huitième. Quand il arrive, on dirait un pantin désarticulé. Moi, je suis en admiration. Comment on arrive à tenir? Comment il a pu arriver jusqu'au bout? On s'est demandé si c'était raisonnable, d'ailleurs. Ouais. Non, c'était certainement pas raisonnable. Je pense que si le staff s'était aperçu, quand ils étaient là, de son état, je pense qu'il l'aurait enlevé, comme on jette l'éponge en boxe, il l'aurait retiré. Parce que moi, quand je l'ai vu arriver, mais alors je suis restée vraiment... Je me suis dit, mais comment le à quel niveau est son mental pour pouvoir continuer à arriver à franchir la ligne. Il faut rappeler le contexte. Johan Diniz, c'était le maudit des JO. Il avait été disqualifié une année. Il avait abandonné l'autre. Il voulait absolument juste finir, s'il n'avait pas de médaille, puisqu'il était en tête pendant longtemps. Ouais. Et il est parti trop vite, effectivement. Il a mal géré, peut-être. Mais enfin, ah, vous nous parlez que d'images négatives. Il n'y a pas une belle image. Non, allez, je vais vous aider. Non, c'est pas négatif pour moi. Non, au contraire. Pour ça, je trouve qu'il faut une force de caractère. Il faut vraiment... Presque dans l'inconscience. Hein. Il donne tout. Et je ne pense pas que tous les spectateurs se rendent compte que... Il donne tout vraiment pour arriver au jour J, au jeu. Ah, je pensais que vous alliez nous parler de ce couple en or chez les c'est boxeurs français. La boxe, après voilà. aussi. Estelle Mosley en moins de 60 kilos, Tony Yoka dans la catégorie 1 des super lourds. Ça symbolise quoi, cette très belle histoire? Moi, je trouve que c'est formidable d'abord d'avoir un couple qui dispute, qui pratique le même sport. Donc, ils ont encore beaucoup plus d'affinités que deux sportifs. Hein, parce qu'ils vivent tout à l'unisson, eux, c'est vraiment... moi, je trouve ça sensationnel. Et pourtant, le sport, la boxe est un sport qui me donne des frissons. J'avais un ami, M. Yves Arrigui, qui était CTR de boxe à l'époque, et j'allais voir la boxe pour les Jeux des Îles, c'est pas la même chose, pour lui faire plaisir. Et c'est vrai que c'est un sport qui me fait peur, c'est un bien grand mot, mais... Ça me donne des frissons, vraiment. Et là, je suis restée vraiment baba. Deux médailles d'or, c'est... Mais pour eux, je trouve que c'est vraiment formidable. C'est... Bravo, chapeau. Alors, ces deux médailles d'or font que la France revient au total avec 10, puisqu'il y en a 8 autres, et plus 32 autres, 42. Hein, c'est le bilan de Rio, c'est le record de l'après-guerre. Votre analyse de ce bilan? Ce que j'ai apprécié aussi, c'est l'équitation. Ça, je me suis régalée, parce que vraiment, ça... C'est une tradition française. C'est une tradition française, et ils nous ont montré ce qu'on était capable de faire. C'était magnifique au niveau spectacle. Tout ce qui est sport de le canoë et kayak, les trucs comme ça aussi, ils ont fait de belles choses. Enfin, moi, je trouve que pour celui qui s'intéresse un petit peu au sport, même tous les spectateurs ont eu la chance d'avoir des sportifs qui ont tout donné. Alors, 42 médailles, est-ce que le nombre de médailles, c'est le bon curseur pour évaluer les performances? Je pense qu'on peut aller plus loin. Parce que c'est le record, quand même. Oui, non, mais le record... Non, je ne suis pas exigeante. Parce que je suppose qu'il y en a certains, si vous discutez avec eux, ils ont perdu leur médaille vraiment à trois fois rien. Le maître l'a gagné à trois fois rien aussi. Oui, mais c'est ça. L'important, voilà. C'est ça. Ça s'équilibre, peut-être. Non, ça ne s'équilibre pas. Non, je pense qu'on a encore une marge de progression. Oh, pas de 20 médailles, hein, mais 3-4 médailles faciles. Alors, aucun réunionnais en or, juste de l'argent en handball avec Daniel Narcisse. Le sentiment qui domine, c'est la déception ou vous êtes tout de même satisfaite qu'on ait pu parler souvent de la Réunion grâce au JO? Il y avait 7 athlètes au total. Je ne peux pas être déçue, franchement. Ce serait pas raisonnable. On espérait l'or quand même, honnêtement. On espérait l'or. Bon, mais je pense qu'ils sont tombés sur une équipe beaucoup plus forte qu'eux. Il n'y a pas photo. Hein. Il faut que les jeunes aussi de cette équipe se rodent un petit peu. Hein. Donc on pourra vraiment juger de l'équipe au prochain jeu. parler de l'équipe de handball. Là, je parle de l'équipe parce de l'argent. Parce que pour les jeunes, on peut penser à la gymnaste Marine Boyer qui a fini au pied du podium. Mais au quatrième. Voilà. Quatrième. Voilà. Pour Tokyo, dans 4 ans, vous pensez qu'elle représente un sérieux potentiel de médaille ? Oui, je pense que ça va la stimuler et ce qui lui manque... Non, parce que quatrième pour une première édition, c'est bien. Non. Il faut quand même être raisonnable aussi. Hein. Alors là, vous n'êtes plus présidente du comité de rugby. On le disait tout à l'heure, non. Vous l'avez été dans les années 80. Vous êtes la présidente du CROSS, élue le 10 juin dernier. Première femme à la tête du mouvement olympique local. Vous êtes sensible à ce symbole ? Je suis sensible, je ne suis pas féministe, hein, je suis pas, mais je voudrais que la femme trouve sa place. Et elle a sa place dans tout. Hein, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la vie de tous les jours. La femme n'a jamais voulu prendre la place de l'homme, hein, je pense. Mais il faut reconnaître que nous vous apportons un petit plus qui vous manque peut-être. Quels sont les plus grands chantiers qui vous attendent ? Alors, les grands chantiers qui m'attendent, là, dans l'immédiat, nous avons la semaine santé-sport. C'est quand même quelque chose d'important, puisque nous essayons de faire pratiquer un sport à tout le monde. Qu'on soit bien portant, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit maigre, qu'on soit malade. On essaye de mettre en place une activité pour que les gens bougent. Une activité adaptée. Adaptée à tous. Donc ça, c'est quand même un grand chantier. Nous avons un grand chantier aussi à Andra, mais ça, celui-là, il n'est pas tellement sportif, mais on en a absolument besoin. Nous avons maintenant la nouvelle maison des sports, qui sera inaugurée bientôt. Route Digue à Saint-Denis. Voilà. Et nous devons rénover l'ancienne. Et là, nous avons déjà l'accord de la mairie de Saint-Denis. Nous avons à 90% l'accord du conseil régional. Donc, c'est un chantier très important parce qu'une rénovation, On aurait voulu parler aussi de la lutte contre le dopage. On n'a pas le temps. Un de vos chantiers. La prochaine fois, si vous voulez. Voilà, vous reviendrez nous en parler parce que c'est un axe important pour vous, Monique Catala. Oui. Merci d'être venue au micro de Réunion Première ce matin. Très bonne journée. Merci à vous. Merci à vous, Monique Catala, la présidente du CROSS, le comité régional olympique et sportif. M. Pokora, voir la nuit sans balai, puis juste après... Voilà. La nuit sans balai, mais avec une serpillière. Hein. Ah oui. T'as compris ? Oui, non, j'ai pas compris. La nuit sans balai, oui, avec si, une serpillière. Oui, si, Et pourrie, Madame Catala, bon, cette blague. Hein. La blague d'Isa, de grand matin. Désolé. Bon réveil. Bonne rentrée à tous. Tu sembles blâmer là, comme font les rêves. J'aime qu'on parle de moi, comme font tes lèvres. Là, t'en as trop dit ou trop peu. T'as tes jambes, elle me parle de projets osés. Ne rougis pas, nous deux, c'est ça depuis le départ. Ne me laisse pas tout seul, attends là, il est tard. Et puis t'as trop bu ou trop peu, je suis sûr qu'il faut pas que tu rentres. On sait déjà qu'on voudrait bien voir, ah, ah, la nuit s'emballer. Reste là, voir encore un soir, ah, ah, la nuit s'emballer. J'aime ton sourire, des heures qu'on passe juste là sans parler. Ah, voir la nuit s'emballer, ah, voir la nuit s'emballer. On sait déjà qu'on voudrait bien voir, ah, ah, la nuit s'emballer. Reste là, voir encore un soir, ah, ah, la nuit s'emballer. J'aime ton sourire, des heures juste là sans parler, à voir la nuit s'emballer, à voir la nuit s'emballer. On pourrait rester là tant que passent les jours. Toi qui parles bas. S'emballer et sans serpillière, c'est ça, mais. Bah oui. Oh, Isabelle. Isabelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Ce qu'on peut, ce qu'on a, hein. Bon. Parce que là, on n'a pas grand-chose, hein. Bon, c'est ça. Allez. C'est ça. On va sur la route. Avec Yves. Vous êtes à Petite-Île, Yves. Ouais, toujours sous le soleil de Petite-Île et ces travaux qui ont été réalisés de nuit, je rappelle, parce que la semaine dernière, c'était en journée, c'était très compliqué. Donc, le choix a été fait de terminer ces travaux devant la mairie, notamment, et en redescendant vers la partie basse.

La consultation participative est en ligne depuis le 3 août dernier et pourtant, Joël, Georges et Lorenza n'étaient toujours pas au courant. Quoi qu'il en soit, ils approuvent complètement l'initiative de l'État. Je n'ai pas encore vu quelle était la forme du document proposé sur le site. Maintenant, effectivement, ça m'intéresse d'y participer. J'irai me renseigner là-dessus. Tout à fait intéressant de pouvoir participer quand on nous sollicite pour le faire. On va regarder toujours, ouais. Maintenant que Milo est au courant, oui, c'est très bien parce qu'il pourra donner tous les avis possibles. En tout cas, ce Réunionnais installé en métropole depuis quelques années ne donnera pas le sien. Ça pour faire semblant, ça, pour boucher les yeux de moune. M'y croit pas du tout ça, là, moi. Il demande à nous de nous de la vie à chaque fois et jamais les pris en considération, comme la loi El Khomri, là. Et il demande à où, mais s'il y a envie de faire, là, il va faire même. Un avis partagé par Georges. À côté, c'est une bonne chose. Mais des conditions, le gouvernement, le président, il tient vraiment sa promesse. Il dit qu'il fait ceci, il fait ça, mais jamais nous, à le bout de cœur, au bout, jamais, toujours pareil. Ces déceptions et ces doutes expliquent sûrement le manque d'intérêt des Réunionnais pour cette consultation. Depuis le 3 août dernier, on compte seulement 300 participants sur la plateforme. Et le site en question, c'est www.égalité-réel-outremer.fr pour apporter vos idées. Merci Cécile. On a un pâtissier qui arrive là dans les studios de Réunion Première. Il se passe tout plein de choses encore matin. Oui, j'imaginais bien. J'imaginais bien. On va manger des cannelés. Voilà, pour histoire de vous mettre un peu d'eau à la bouche. Ça va être dur. Oh là là. Dur de ne pas les manger. Ouais. C'est, ça, c'est ça. Restez là. Avant de manger, on va quand même passer à la météo. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Une belle journée qui se profile sur la Réunion avec des températures qui vont grimper cet après-midi entre 23 et 26 degrés sur la côte. Il fera 12 au volcan, 21 à Sillaos et 14 degrés à la plaine des Cafres. Attention, prudence aux abords du littoral de l'ouest et du sud avec une houle qui déferle sur le sud sauvage, voisine de 2 mètres. Et puis une mer agitée à forte, hein, globalement, entre la pointe des Aigrettes et la pointe de la Tape, c'est-à-dire entre Saint-Gilles et Saint-Philippe. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. C'est quoi ce gros carton là, Isabelle? Ah ah, on verra après l'information routière. Vous êtes à Manapani, Yves. Oui, avec une vue sur la piscine naturelle de Manapani et avec une belle houle, vous en aviez parlé, c'est tout blanc en bas, blanc des cubes. La circulation se fait correctement dans les rampes de Manapani et ça va mieux, même mieux au niveau de la croisée de Petite-Île, ça coince légèrement vers le giratoire chemin de la guerre jusqu'au giratoire de Grand-Anse et toujours en fin de contournement de Grand-Bois et puis ensuite la déviation nord-est avec pas mal de monde, hein, donc pour rejoindre Saint-Pierre et le boulevard Banque. À cette heure-ci, on est en pleine heure de pointe, donc soyez patients dans un sens comme dans l'autre. Et puis circulation toujours correcte au niveau de la 4 voies du tampon, pas de changement pour la route des Tamarins, ralentissement sortie tunnel sous le tunnel du Cap Laoussé avec du monde en bas, attention ça coince entre Saint-Gilles et Saint-Paul en passant par la route des plages, le Cap Laoussé, circulation toujours ralentie à hauteur de la ravine Ajac, donc ça se passe pas trop mal sur la corniche ce matin avec le pont Vincennes et les tranchées chargées, l'entrée est également, mais ça roule déjà un petit peu mieux également vers la ravine des Chèvres. Alors, il y a quelques petites zones roulantes vers l'échangeur nord de Sainte-Suzanne, mais ça se passe pas trop mal puisque la marine, je rappelle que vous circulez déjà normalement. Attention aux travaux, donc je rappelle notamment le groupe de Sillaos à 8h30, des coupures de circulation. Merci Yves. Ça sent bon Yves, hein. Ouais. Ça sent très très bon. Ouais. Bon désolé Yves, hein, mais on va manger pour vous. Ouais. Voilà, moelleux, cannelé, tout est à disposition dans un gros carton qu'Isabelle garde vraiment avec beaucoup de précaution. Hein. C'est bon Cécile, tes cannelés? Ah bah moi j'ai tenu parole, hein. J'ai dit je reste, je goûte. Bah voilà. Oui. Allez, elle goûte. Ah oui, voilà, elle a goûté. Oh, c'est très bon, c'est croustillant sur l'extérieur. Et c'est le chef Jean-Christophe qui nous a emmené. C'est notre fournisseur officiel aujourd'hui, aujourd'hui, de cannelés. Bonjour chef. Bonjour. Ça bonjour va à tous. Bien. Ça va. Bon, c'est sympa. La prochaine fois, ce sera quoi? gourmande. Non. On est arrivé déjà cette fois, on va pas aller la prochaine fois. Là. Tu c'est sais, bon. Moi, je vais te dire. Mais quand même. Un homme qui m'emmène dans une boîte en carton, 8 moelleux et 12 cannelés. Moi, je dis qu'il reviendra. C'est comme ça. Voilà. Vous l'aimez bien, Isabelle, quand même, hein, j'ai l'impression. Oui, oui, hein, pour lui amener autant de gâteaux dans un carton, hein, c'est quand même assez énorme. Là, il y en a pour un régiment. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qui le régiment, nous? Oui, c'est ça. C'est moi. Régiment du Grand Matin. Bon, bah, régiment écoute, du Grand Matin, donc pâtissier traiteur du côté de Sainte-Suzanne. Oui. Et donc, si vous voulez goûter à ces pâtisseries, vous allez chez... Pas chez lui. Chez lui. On me contacte parce que j'ai pas de point de vente. Hein. Non, pas de point de vente. Non, c'est un laboratoire. J'ai pas d'accueil public. Donc, voilà. Bon, bah très bien. En tout cas, merci de nous avoir emmené ça. très gentil. Plaisir. Merci ça beaucoup, chef. Ça roule bien. C'est bien. On s'est bien roulé ce matin. Bon, ça va. Chouette. Dans le sens est-nord, donc ça va un peu mieux que tout à l'heure. Oui, tout à fait. On valide les cannelés, Cécile, ou pas? C'est validé. Alors moi, j'aimerais bien valider le moelleux, mais il faut le démouler. Donc avant de le manger. Donc je vais le démouler et puis après je le mangerai. Une petite cuillère ? Allez, une petite cuillère, je veux bien. Non, mais Isabelle est suréquipée. Ah, Isabelle a tout. Elle a tout, Isabelle. Bon, bah bon appétit, bon petit déjeuner si vous aussi vous le prenez en ce moment. Mm-hmm. N'oubliez pas de poster vos photos de petit déjeuner avant 8h sur notre page Facebook. Sur la page Grand Matin. On va le faire nous aussi avec notre invité. Voilà. Et on repartira avec des invitations pour aller au cinéma et tirage au sort en fin de semaine. Ouais, pour la nuit d'hôtel. Nuit d'hôtel peut-être avant vendredi pour vous. Avant 8h, on aura aussi le zapping de Jackie Revel. D'ici exactement. Là, c'est Rudy Cox qui arrive. A tout de suite. Dans mon vie, dans mon game, dans mon vie, n'a pas rien, mais comme il me met ta gueule. Eastside, dans mon vie, c'est la belle vie. Eastside, noir, trousse les belles. Hein. Ok, m'a pas besoin beaucoup. Pour vous qu'il avait les doigts, moi, I love you. Hein. La boule pèse, mais l'amour, il pèse même. Hard love, et mon roi qui aime. Oui, dans les difficultés, quand ton cœur s'afflanchait, quand ton amour pour palpiter. Exprime ton qualité dans spiritualité. Malisé, tout le monde est pris, n'a plus le temps pour prier à bon Dieu. Vagas, vagas, vani, mon lune, mon soleil, mon clair. Si oui, midi, oui, c'est mon liberté. Soleil, de miel dans mon vie. Coulant, c'est le dans mon vie. T'as l'heure, demain, soleil, oui. Quand tu se mains pour nous. Gliadem, dem, splidadidadem. Quand le ciel assombrit, laisse tout dans la main, bon Dieu. Aïe! Salut Didier qui nous écoute actuellement sur la route, qui nous écrit sur Facebook notamment, et puis vous êtes nombreux sur les messages 06 92 70 2000. Eh oui, il faut s'habituer à ce nouveau numéro, hein. Il y en a qui sont encore à nous envoyer des messages sur l'ancien. Non, retenez bien pour tous les SMS, tous vos messages, 06 92 70 2000. Dans un instant, eh ben, va débarquer le zapping de Jackie, mais il faut aussi après qu'on fasse notre tirage au sort. Hein. Bien sûr. Enfin, tirage au sort, c'est vendredi, mais tout à l'heure, ça sera les places de ciné à vous offrir pour le meilleur de la journée. C'est ça, j'ai tout de suite envie de vous envoyer à l'hôtel. Maintenant, d'abord, ce sera le cinéma. Allez, mais tout le monde pourra participer. Tous ceux qui ont participé ce matin et envoyé la photo de petit déjeuner pourront repartir peut-être avec une nuit d'hôtel pour l'un ou l'une d'entre eux, vendredi. La question, pas si utile, mais quand même. Qu'est-ce que c'est ? Comme tous les jours, depuis hier, on a décidé de parler de questions qui sont pas si bêtes, en fait. On a assisté au débat sur le burkini, vous le savez. Cette tenue qui couvre tout le corps à la plage, avec certaines interdictions sur les plages de France. Vous l'avez vu, forcément, oui. Comme moi. Oui, on en a beaucoup parlé. Et on a voulu nous poser la question à l'inverse. Peut-on bronzer sans haut de maillot de bain à la plage? Autrement dit, tout nu. Enfin, bon, c'est pas tout nu sans haut. En tout cas, tout nu sur le haut. Ouais. En monokini, quoi. Nu sur le haut, monokini. Eh bien, le code pénal interdit l'exhibition sexuelle. Vous le savez, ça, dans son article 222-32, sans pour autant être précis sur la réalité que cela recouvre, bronzer seins nus sur la plage est largement, en fait, toléré. Bah oui. On n'est pas poursuivi pour cela en France. Mmh. En revanche, dans nombre de lieux publics, c'est le règlement intérieur qui fait loi. Par exemple, dans les piscines municipales, eh bien, on interdit le plus souvent le monokini. Sauf sur certaines plages horaires. Bon, ça, cela dépend des horaires où vous allez à la piscine. Forcément, quand il y a des enfants, on évite de porter le monokini. Pourquoi la piscine, le monokini, moi, j'ai jamais vu. Oui, bah, c'est vrai, moi non plus. La règle est la même à Paris-Plage ou dans des conditions d'utilisation. Par exemple, les tenues indécentes font partie des interdictions. Naturisme, string, monokini. Sous peine quand même d'une amende de 38 euros. De la même manière, les arrêtés municipaux peuvent restreindre la liberté de se dénuder en public. Ainsi, depuis 2003, par exemple, les torses nus sont prohibés dans les rues de Cannes et sur les plages, bien avant l'interdiction donc, du burkini en 2016. Alors moi, je dis bien heureuses les femmes qui circulent près de Boucan-Canote, parce que là, à Saint-Paul, c'est pas interdit de se balader torse nu. Mais il paraît qu'en voiture, tu peux pas conduire non plus torse nu, normalement. Alors ça, c'est une autre question, pas si bête, que l'on se posera un petit peu plus tard, bah ouais, ma chère Isa. Tu conduis torse nu, toi? Jamais. Enfin si, ça m'est arrivé, ouais, c'est vrai. Ça m'est arrivé. Quand tu roules sur le bord de la mer. Ouais, ça m'est arrivé. Mais sinon, quand il fait chaud avec la ceinture, ça fait un peu mal quand même. Normalement, c'est interdit, je crois. Bon, allez, à tout de suite. Allez. Bon grand matin. Réunion Première, c'est la Radio Pays. Bonjour La Réunion. L'information locale dès 5h et tout au long de la journée. Des invités à votre écoute. Réunion Première avec vous, sur la route, à la maison ou au travail. Gros trafic, attention. Grand matin dès 5h, la colle Jacques à 8h et vos experts. C'est ce que nous rencontrons comme problème. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Notre tradition, notre culture, notre quotidien. Bienvenue sur Réunion Première, la Radio Pays. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Bah, il faut se réveiller, la technique, là, ça va plus, hein. Bon, dans Grand Matin, le zapping de Réunion Première, Jackie Revel est là. Exact. Et il a compilé tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Eh oui, il s'en est passé des choses chez Lucas, chez Prisca également, mais aussi, tenez-vous bien, chez David. Ah, Manto. Dans le bon tempo. Ah oui, entre et 16h et 18h. La marraine de son émission. Allez, on écoute. La paix, la paix, la paix, la paix. Cacapoule. Cacapoule parce que les noirs, bon, un bon pour le pays, quand il a rien à faire, les noirs, c'est ça. Ouais. Stéphane, il nous a dit qu'il a croisé la dame blanche. Oula. C'est vrai, hein. Enfin, il était sur la route du port, enfin, sur la calvaire, on va dire. Il a croisé une dame, il a mis en plein phare pour voir c'était quoi, il a vu que c'était une femme blanche, mais dessous, il n'y avait pas de pied. Aïe. Bonjour Tess. Bonjour David. Tu vas être notre marraine. Est-ce que tu acceptes d'être notre marraine? Ah mais bien sûr, j'accepte d'être votre marraine. Et la musique réunionnaise alors dans tout ça, elle a quelle place? Est-ce qu'il y a des choses qui te... Forcément, il y a forcément des musiques de chez nous qui te touchent. En fait, j'écoute pas vraiment la musique d'ici, on va dire. Ouais. Comment? Pardon? Non, pas vraiment. Mais tu en as écouté quand même? Oui, bien sûr, mais pas souvent. D'accord. Voilà, c'est ça. Tess, en tout cas, c'est notre marraine. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Je savais pas. Ben, imaginez un coup, comment ben réunionner les derniers couloirs que les déjà prédestinés à passer par un chemin. Alors, m'y veille, m'espère, ça pas trop tard, t'as l'air. Si m'y essaye, fredonne un petit mot doux d'un créoute oreille. On retiendra le coup de la marraine, quand même. Hein. Tess. Ouais, la marraine, c'était Tess. C'était galère, les gars. Un bisou à Tess. Bisous, Tess. Première. Alors, qui ce matin a remporté le défi du petit déjeuner? Vous avez été nombreux hein, à poster. Ah oui, Othé. On a eu Reynald, on a eu aussi Elodie, on a eu Nénès qui a posté aussi sur la page de Grand Matin avec des petits déj variés. On a eu le café, on a eu le macatia. Le pain au chocolat en roubé de amandes. Ah oui, ça aussi on l'a eu. Ouais. Et puis on a eu aussi le petit déjeuner de Jean-Yann qui est avec nous dans un embouteillage. Coucou Jean-Yann. Salut Jean-Yann. Comment ça va Jean-Yann? Dans les bouchons. Eh oui. Ah bah oui, comme souvent. Hein. Jean-Yann, à quel niveau? Au niveau des potences, sur la route du littoral. Ah oui, dans le sens ouest-nord. Donc. Voilà. C'est ça. Et ce matin, vous avez posté quoi comme petit déjeuner, Jean-Yann, vous? Bouchon yop. Ouais. Ça fait partie d'un petit déj aussi. Bouchon yop. Bah alors, voilà. C'est bien bon, hein, Jean-Yann. La tradition. La tradition, Jean-Yann. Enfin, chez Jean-Yann. Oui, chez Jean-Yann, parce que le yop, pas trop la tradition quand même. Le bouchon, oui. Voilà. Bouchon, t'es Jean-Yann. Ça vous fait gagner vos places de cinéma ce matin. Ben merci. Vous repartez avec vos. De Radio Première. Ah bah oui. Ah bah, on peut y aller ensemble si vous voulez. Hein. Mais bon, on vous laisse y aller avec votre petite femme ou. Oui, je pense que madame sera contente. Voilà, ben voilà, ça sera mieux. Des invitations pour aller voir ce film, Le Professeur de Violon. Un film qui risque de vous arracher quelques petites larmes. Oh, c'est mignon. Oui. Vous êtes sensible, Jean-Yann? Si, 2-3. Vous allez voir. Est-ce que vous êtes sensible, Jean-Yann? Ça dépend des films. Mmh. Ah oui, bah voilà, bah peut-être que vous. Bah là, il y a moyen que ça pleure un petit peu. C'est ça. Voilà. Et puis Jean-Yann, comme tous les autres, vous serez donc automatiquement qualifié pour vendredi. Pour le tirage au sort, peut-être pour vous, une nuit d'hôtel. On verra ça vendredi avant 8h. Ok, bah super sympa. Mais alors. Matin à la radio, ah bah c'est cool ça. Eh bah ça fait plaisir. Et vous allez continuer d'écouter Jackie qui arrive dans un instant. Salut Jean-Yann. Bisous. Salut. Allez, bye. Bisous. Bye. Jackie bye. Pour la colle Jacques. Salut Jean-Yann, salut gagnant, bravo. Salut Isabelle, bonjour Mickaël. Bonjour Jackie. Toutes les marraines, toutes les parrains qui écoutent Réunion Premier ce matin. Benoît Jolicoeur. Ça va pas le quitter David ça. ouais, Benoît Jolicoeur. Il est rodrigué, il est amoureux de son île. Il aime l'île Rodrigue, il vient nous en parler ce matin, les spécialités rodriguaises, sa culture, son terroir, ses traditions. L'astuce du jour, comment épluche un tchijac de façon facilement. Ouais. Et puis l'affaire Citarane, Fontaine et Calandrin, ça sera la légende urbaine. 9h-10h ça. Ben, et puis nous allons écouter également un extrait de l'interview de Gaël Véléien dans la peau de Justin Bieber, ça s'est passé dimanche soir. Ah, ouais. C'est mis dans la peau de Justin Bieber. Il expliquait en fait pourquoi le moment n'aime pas le tantine, tu vois. Et Gaël, la tête dans les étoiles, tu rappelles ton émission, Jackie, c'est le dimanche. Hein. Oui, la tête dans les étoiles, c'est 18h, 20h tous les dimanches. Et ce dimanche, Nora Frédéric Maillot et Stéphanie Alamel pour raconter à nous Gaïa's histoire. C'est quoi le mot de passé, Prisca? Smoothie. Voilà. Et on retiendra un des forains que l'a dit comme ça. Enfin, un moon qui est en train de goûter à smoothie, il a fait qu'un tangor, c'est bon comme le jus de banane. Bizarre quand même, hein. Attends, bon. C'est bon, tangor, comme un jus de banane. Bon, nouveau rendez-vous, hein, la tête dans les étoiles avec Jackie, 18h, 20h, et vous le retrouvez dans 3 minutes. 8h, 10h, un tangor, c'est comme c'est un jus bon de banane. C'est bon comme un jus de banane. Ah, on est bien, hein. Ah ouais. On est bien. Vous êtes tu sur veux première. Un moelleux ou un cannelé? Aussi, ça tient. C'est le chef Jean-Christophe qui a amené pour nous. Tu veux? Ben, moi, goûte une tiens. Allez. Womack and Womack, bon petit déj si vous y êtes encore, et sinon, bonne journée à vous. I'm Elisabeth qui ferme son carton, ça veut dire qu'on ne mange plus. Il y a trop de monde là, ici dans. Elle garde pour elle tous les cannelés, tous les moelleux. Bon, Yves, vous êtes du côté de Langevin. Oui, ça roule pas très bien. Franchement, faire 20 en dos Saint-Joseph le matin en ce moment, et surtout à cette heure-ci, donc c'est compliqué. Entre les tracteurs, les agents qui font passer les marmailles parce que c'était l'heure de, d'entrée de classe, etc. Donc il y a beaucoup de passages protégés, des cyclistes, enfin bref. Vous roulez pas bien, soyez patient, bien entendu, pour faire ce tronçon. Et puis en plus, je rappelle que d'ici une demi-heure, démarrent les travaux du Verbasse-Vallée. Je me dirige vers ce chantier donc de sécurisation de falaise avec des coupures de 45 minutes, toujours au programme circulation. Donc une fois passé Saint-Joseph, après ça se passe avec un peu moins de difficultés, même si encore du monde, ça délaisse sur le reste de Saint-Pierre pour rejoindre le giratoire Archambault notamment et la traversée du boulevard Manque avec du monde au niveau des échangeurs mais sans que ce soit complètement saturé notamment Mon Caprice où ça roule plutôt correctement. Sans changement pour la partie ouest, toujours entre le tunnel et Plateau Caillou maintenant, les ralentissements après la ravine à Jacques, donc avant le virage du gouffre sur la route du littoral. Et puis côté est, ça commence depuis la ravine des Chèvres pour aller jusqu'à Saint-Denis. Soyez patient, très bonne route, il fait beau ce matin. Yves Gruyer, il est 8h. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Il conduisait son bus, une bière à la main et avec plus d'un gramme 5 d'alcool dans le sang. Un chauffeur du réseau Citalis est jugé cet après-midi. Il avait été dénoncé par ses passagers. Précision à suivre. 9780, c'est le nombre d'étudiants inscrits à la fac cette année, chiffre encore provisoire. La rentrée universitaire a été organisée hier à Saint-Denis et au Tampon, premier à avoir été accueilli, les licences éco-AES. Didier Robert ne consultera pas les Réunionnais sur les carrières dédiées à la nouvelle route du littoral. Une enquête publique est attendue pour celle de Bois-Blanc. Une autre vient de démarrer dans les Hauts de Saint-André. Et puis une seule médaille, mais un bilan positif pour les Réunionnais aux Jeux Olympiques de Rio. C'est ce que pense Monique Catala, la présidente du Cross. Elle était aujourd'hui l'invité de la matinale. On commence donc avec cette affaire qui avait fait grand bruit le mois dernier. Souvenez-vous, il s'agissait d'un homme de 35 ans qui conduisait son bus, une bière à la main et avec plus d'un gramme 5 d'alcool par litre de sang. Ce chauffeur du réseau Citalis avait été dénoncé par ses passagers, ceux de la ligne 21 vers la montagne. Et Antoine Garnier, il est jugé cet après-midi.